Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 48 du Bras de fer des films. On est la fin octobre, on approche d'Halloween. Et ce soir, de quoi on parle? On parle de Jem! Oh yeah! C'est effrayant! Je me présente, mon nom est Jean-François Tremblay. Et en ma compagnie, mon fidèle co-animateur avec qui je ne pourrais faire tous ces épisodes, Steven Lefrançois. Salut Steven! Salut JF! Jem! Oh! Je connais pas la toune. Alors, vous les entendez. À mes côtés, j'ai ma copine, Caroline. Allô, Caroline. Allô, Jean-François. Allô, Steven. Allô, Chantal. Allô, Sylvain. Comment ça va? Ça va très bien. T'as dit un punch, là. Si personne ne savait que Sylvain était là. Ah, shit! Alors, Sylvain Desmentis est ici avec nous. Comment ça va, Sylvain? Ben, ça va super bien. Moi, quand tu dis Jem, j'apparais. Par magie. Voilà. C'est comme une espèce de formule magique pour invoquer Sylvain. Il apparaît en hologramme. Oh! Tu regardes dans le miroir et tu dis trois fois Jem, Jem, Jem. Et la dernière et non la moindre, Chantal, la copine de Steven. Hello! Bonjour, bonsoir. Ouais, bonjour ou bonsoir, dépendant. Exactement, ou bon matin. Oh, plus alors, simplement, salut. Salut. Oui, c'est plus simple. Alors, on est là pour parler de Jem et des hologrammes qui est en ce moment au cinéma, probablement pas pour longtemps, vu les réactions du monde. Et je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de faire un gros résumé de Jem. Jem, c'est l'histoire, en gros, de Jerrica Benton, qui est une jeune adolescente qui dans le film, on va parler de l'histoire du film, donc, a enregistré une chanson sur sa caméra vidéo, puis sa sœur l'a postée sur YouTube, puis là, tout à coup, elle a attiré l'attention de tout le monde, puis ça a été posté sous le pseudonyme Jem, puis là, elle attire une présidente de compagnie de disques qui veut en faire une vedette, mais qui accepte un peu à reculons de prendre ses sœurs avec elle, ses trois sœurs, parce qu'elle avait avoir juste Jem en solo, puis là, il va arriver toutes sortes de choses, puis c'est ça un peu, en gros, la prémisse de l'histoire. Moi, non, c'est pas la prémisse, ça, c'est le film au complet. Non, mais il reste encore une couple d'autres affaires que j'ai pas dit quand même, et j'ai pas parlé du côté de science-fiction, dont on va parler plus tard. Mais tout d'abord, faire un petit tour de table pour savoir, en fait, je vais vous poser la question en tour de rôle. Quelle est votre position ou votre statut de fan ou de non-fan par rapport à Jem? En tout cas, où est-ce que vous vous situez par rapport à Jem avant de voir le film? Quelles étaient vos attentes quand vous avez vu, mettons, le trailer, entendu parler du film, vu qu'il y a eu une promotion quasi inexistante du film? Quelles étaient vos attentes par rapport à ce film-là? Chantal, au hasard. Au hasard. Ouais. Moi, je suis vieille, fait que je suis comme une méga fan de Jem. C'est des bonhommes que j'ai grandi avec. Puis quand j'étais jeune, on était très pauvres. Puis à un moment donné, ma mère elle a ramassé des sous pendant comme super longtemps pour m'acheter la Barbie à Noël de Jem avec les petites boucles d'oreilles qui allument puis tout le kit. Là. Fait que moi, je trippais vraiment. Jem, je trippais fort. Puis la série télé, tu l'as écoutée? Je l'ai toute vue, je l'ai toute écoutée, ouais. J'avais trois talons, tu sais, j'étais comme la petite kid normale là, des années 80 qui tripe sur ses petits bonhommes, qui joue tout en anglais. Par contre, c'est à cause que je viens d'une ville frontalière, la plupart des bonhommes jouaient ses postes anglophones quelques années avant qu'ils sortent en français. Je sais même pas si Jem a déjà sorti en français, honnêtement. Oui. OK. Mais moi, je l'écoutais en anglais. Puis c'était les Saturday Morning Cartoons. Puis ouais, je trippais fort. Puis, parenthèse, les chansons des Misfits, ils étaient meilleures, Mais Jem, c'était pareil, ma préférée. Je sais pas pourquoi, là. Mais Jem, c'était ma préférée, probablement parce que c'était supposé d'être ma préférée. Mais les chansons des Misfits, c'était meilleur, pour vrai. Ben, sont un peu lame, les Misfits, je trouve. T'sais, ils comprennent rien, là. T'sais, ils comprennent pas vite. Là. Non, non, c'est ça. C'est comme un peu des nounounes, mais leurs chansons sont bonnes. Oui. C'est des nounounes agressives. Puis, quand ils ont annoncé le film... À quoi tu t'attendais? Est-ce que tu avais certaines espérances, des espoirs par rapport au film? Est-ce que... Ben, ma première réaction, ça a été comme « Ah, cool! Enfin! » Là, ils ne savaient pas qui était pour caster. Puis là, il y avait bien des personnes qui s'essayaient parce qu'il y a du monde qui mettait des photos en ligne de comme leur audition. Ouais. Dont la fille qui fait le... Là, son nom, il m'échappe, mais c'est elle qui fait le cosplay de Ariel, puis elle est comme super populaire en ligne. Puis elle... Puis une autre gang de cosplayers se sont essayés, puis leur costume était écœurant. Là, j'étais vraiment excitée. J'étais comme, yeah! Puis après ça, le trailer est sorti. C'est un peu comme, tu sais, quand t'as un petit chien, puis tu l'aimes beaucoup, puis là, il se fait sprout dans la rue par un gros camion. C'est un peu ça qui est arrivé. Puis là, j'ai fait comme, oh non! Puis là, ma soeur, elle m'a mis une image que j'étais pas capable de m'enlever dans la tête. Puis elle m'a dit, oh wow, on dirait un nouveau film de Hannah Montana. Là, j'ai vécu avec cette image-là en tête, puis j'aimais ça la dire de temps en temps, juste pour comme écœurer les autres. Puis on va en parler tantôt, à savoir si ça ressemble à Anna Montana. Je vais attendre pour Sylvain. Sylvain, c'était le gros fan. Je vais attendre. Steven, c'était quoi tes attentes par rapport au film? Rien pantoute! J'ai aucunement grandi avec Jem. Je savais même pas c'était quoi, mais j'arrêtais pas de l'entendre parler partout. Puis surtout Sylvain, là, c'était scandale la bande-annonce quand c'est sorti. Il capotait. J'étais comme, hey, non, c'est quoi la deal avec Jem? Puis à un moment donné, j'ai été voir le trailer par curiosité. Puis j'étais comme, ça a pas l'air si pire que ça. Ça a l'air d'un film typique pour adolescents de groupe de musique. Et là, t'as mentionné que tu voulais faire un épisode sur le film. Fait que je trouvais l'idée intéressante. Fait que plus ça avançait et plus finalement le film m'intéressait. Puis plus les critiques sortaient, puis plus le film m'intéressait encore plus. Mais les critiques étaient mauvaises. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça que ça m'intéressait encore plus. Puis que je me disais, bon, ça va être un excellent candidat, nana, on avait pour le bras de fer. Et là, je suis comme devenu dans un gros mood Jem. Je suis allé au HMV, puis à cause de toi, JF, je tiens à le préciser. Avec... Même pas à cause de moi! Scandale! J'ai acheté le coffret de la série complète de Jem et les Hologrammes, la télésérie, qui a été sortie récemment par Shop Factory. Et en fait, c'est parce que je trouvais le prix ridicule. Il était comme 19,99$ pour toute la série, mais à côté, tu avais des saisons séparément qui coûtaient 25$ chacun. Et je me suis rendu compte que c'était une erreur de prix, que le coffret valait au-dessus de 50$. J'ai sauté dessus, puis en même temps, je me disais, gars, je vais faire mes devoirs, je vais écouter une couple d'épisodes. Au moins, je vais comprendre pourquoi les fans capotent si ça leur ressemble autant pas à la série. Fait qu'en gros, c'est ça. Parce que tu sais, en même temps, toutes les saisons sont sur Netflix, fait que t'aurais pu juste écouter les épisodes là-dessus. Ouais, mais... Puis ma sœur, elle avait déjà tous les épisodes aussi. Elle a déjà acheté la série au complet il y a longtemps, une autre édition, là, pas celle-là, mais il y a super longtemps, puis... c'est ça. Moi, je suis une pute à prix. Tu sais, il sortirait un coffret de U-Able avec tous ses films, ça coûterait 300$, mais je le verrais à 20$, je l'achèterais. Parce qu'il est plus simple. Puis, juste pour... Il s'est pas rendu loin dans la série, par exemple. Il s'est pas rendu assez loin pour que je puisse parler du scandale que moi puis ma soeur, on parle tout le temps du personnage du chum, de Jem dans la série, qui est chum avec Jem, et il est chum avec Jerrica, puis nous, on dit tout le temps que c'est une two-timing whore, puis qu'on catchait pas quand on était jeune. Est-ce que Steven s'est pas rendu jusqu'à là? C'est ça, pas de spoiler. Mais c'est pas un spoiler. Tu vas jamais l'écouter, t'écoutes jamais la série. Pas vrai. Toi, Caro? Ben, j'ai grandi avec Jem. Ça faisait partie du kit de petit bonhomme du samedi matin des francophones du Saguenay aussi. Je l'écoutais, je peux pas dire que c'était mon petit bonhomme préféré, mais tu sais, c'était comme neutre, sympathique, aucune animosité. Il y avait du rose en masse, puis des cheveux, puis du glitter, puis tout, là. Ça fait que ça attirait beaucoup la petite fille en moi. Mais personnellement, j'étais plus une petite fille qui aimait des petits bonhommes avec des animaux qui parlent. Fait que c'était un peu moins comme dans mes préférences. Mais je trouvais donc que la poupée était cool. Oui! Ça fait que c'est ça, j'aurais voulu avoir une poupée Jem, même si c'était pas mon, dessin animé favori, mais c'était quand même un dessin animé que j'appréciais parmi les autres, là. Donc c'était plutôt... mes attentes étaient plutôt modestes, puis je pense que j'étais relativement ouverte à l'idée de remanier le concept, puis de replacer les cartes un peu comme pour changer certains aspects de l'histoire. Ça fait que mes attentes par rapport au film étaient pas énormes, mais d'un autre côté, il n'y avait pas comme des aspects de la série auxquels je tenais mordicus à retrouver dans le film. J'étais comme, OK, ils s'inspirent de ça, ils vont faire autre chose, puis ben, on verra bien. Ça, c'est l'impression que tu as eue quand tu as vu le trailer, le remaniement des éléments de l'histoire. Oui, c'est ça. Quand j'ai vu le trailer, j'ai bien vu qu'ils prenaient leur distance par rapport à la série de dessins animés, puis j'ai fait, bon, ben d'accord, ça veut s'en aller dans cette direction-là. Moi, je reste ouverte, là. On va voir. OK. Sylvain, je te garde en dernier. Je vais dire mon opinion à moi. Moi, c'est ça. Moi, j'ai à peu près le même statut que... Ben, c'est un mélange des deux filles puis de Steven parce que je suis conscient de la série. Je savais que ça existait. Quand j'étais jeune, j'ai dû en voir quelques épisodes, mais c'est surtout ma sœur qui écoutait ça. Elle avait un poster de Jem dans sa chambre. Et moi, j'étais pas vraiment amateur de ça. J'étais plus G.I. Joe, Transformers, des trucs comme ça. Puis j'ai regardé des Jem au printemps dernier parce que là, je me suis dit, le film, je suis curieux. J'aime ça, les films de musique, les films de filles, des trucs comme ça, encore plus que Caroline. Fait que je me suis dit, ben ça pourrait peut-être m'intéresser. Fait que j'étais voir un peu la série sur Netflix. J'ai regardé à peu près 10 épisodes avant de me tanner parce que je trouvais que ça tournait en rond, que les Misfits ne comprenaient jamais rien puis que ça revenait tout le temps un peu aux mêmes histoires selon moi. Mais c'est une critique très rapide parce que j'ai juste vu 10 épisodes. Mais je sais que Sylvain veut que je me rende plus loin. Mais c'est ça, mes attentes, c'était surtout en fait par rapport à l'actrice principale quand il l'a annoncé, parce que moi, je la suis dans Nashville. Elle s'appelle Aubrey Peoples, et je la suis dans la série télévisée de Nashville qui passe à ABC. Elle joue un personnage assez important dans la série, et je trouvais qu'elle chante très bien, elle joue très bien. C'est pas la meilleure actrice au monde, ni la meilleure chanteuse, mais je trouvais qu'elle... Je voulais qu'elle réussisse dans d'autres choses. C'était comme un peu un secret que j'avais, tu sais, parmi juste ceux qui regardent Nashville. Fait que je me disais, ça va être enfin son moment de gloire, même si je me doutais que ça pouvait être un navet, le film. Et j'espérais que non, en fait. Moi, j'étais un peu protecteur, c'est ça. Je le voyais un peu comme ça. Jem, je me voyais protecteur d'elle parce que je voulais pas que ça ruine sa carrière. Je me disais, enfin, c'est un gros rôle au cinéma pour elle. Fait que je voulais... Mais là, j'ai un peu peur ces temps-ci, mais en tout cas... on en parlera aussi tantôt de savoir comment est-ce qu'elle s'en sort ou pas. Mais... fait que c'est un peu mon statut. J'étais pas vraiment fan. Puis mon idée, en fait, pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, d'habitude, on parle, on oppose un classique à un navet. Ça, c'est vraiment un épisode spécial. C'est moi qui voulais faire ça. Sur la base de, tu sais, on va poser la question, est-ce que le film est une réussite par rapport aux attentes? Tout ce qu'on vient de dire. Ou est-ce que c'est un échec total à nos yeux, t'sais? Fait que c'est un peu ça mon idée. Et c'était inspiré en partie des réactions de Sylvain sur Facebook quand on jasait un peu quand le trailer est sorti, tout ça, et de son fameux vidéo de Batman et Robin où ce qui en plein milieu de l'épisode fait une crise par rapport au trailer de Jem. Alors Sylvain, à toi la parole. Dans la vidéo que tu mentionnes, je fais pas une plug, là. Il y a vraiment un but à ce que je veux dire. Dans la vidéo que je mentionne, que tu mentionnes, je dis la phrase vous avez violé mon enfance, puis j'ai découvert Jem à 19 ans. C'était une blague que je faisais, mais en même temps, c'est vrai. Moi, j'étais un fan de Jem, mais j'étais un fan à retardement. À un moment donné, à 19 ans, j'avais un copain qui m'avait sorti une vieille VHS que sa sœur avait enregistrée puis qui était restée dans la famille comme étant quelque chose de très drôle. Puis il m'avait montré les 15 premières minutes d'un épisode qui était resté enregistré sur cette VHS-là de Jem, où c'était l'épisode où Jem voyage dans le temps et elle se retrouve au Moyen-Âge. Et elle elle rencontre Mozart. Elle rencontre Mozart. What? Puis, tu sais, c'est ça, Jem, pour moi. Puis là, avec le temps, j'ai fini par... on en avait downloadé sur Internet. J'ai acheté les DVD. Puis, tu sais, c'est devenu un peu... c'est devenu culte pour nous, puis pour moi, après cette relation-là. J'ai toujours eu cette fascination-là pour Jem, mais j'ai jamais aimé Jem avec des yeux d'enfant. J'ai toujours aimé Jem pour le camp que c'est. Et je suis complètement d'accord avec toi, Chantal. Les chansons des Misfits sont tellement meilleures. Tellement! Et donc, c'est ça, quand le... Moi, c'est même bien avant qu'on voit la bande-annonce, là, moi, je me souviens à l'époque de Transformers, quand ils ont annoncé après ça les G.I. Joe, je me suis dit, bon, ben ils font toutes les Hasbro, ils vont faire Gem, c'est sûr que ça s'en vient. Puis j'espérais un film vraiment, là, d'action, tu sais, pas forcément d'action où Gem fait tout sauter, mais tu sais, dans le générique d'ouverture, on voit Gem se balancer sur une liane au-dessus d'un lac de crocodiles. Ça n'a rien à voir avec le film qu'on a eu, mais surtout avec la bande-annonce. Donc, quand j'ai vu la bande-annonce, nécessairement, j'étais déçu. Il n'y avait pas d'hologramme. Il n'y avait pas de... Ben, il y avait une référence à Synergie, mais il n'y avait pas Synergie. Puis surtout, il n'y avait pas les Misfits. Ce qui fait que, mon Dieu, c'est absolument pas... J'avais des hologrammes. Donc, nécessairement, j'étais déçu. Je voyais bien qu'ils voulaient prendre une route plus réaliste, plus down to earth, mais c'est ça qui était le fun, c'était le camp, c'était l'affrontement du pop versus le rock, c'était tout ça qui était intéressant, le glamour, le glitter, c'est ça qui est intéressant de Gem, puis c'est ce que je retrouvais pas dans la bande-annonce, donc j'ai éclaté en sanglots partout sur les internets, et me voici aujourd'hui en train d'en parler avec vous. Et sur ton Facebook personnel, quand tu as été voir le film, tu donnais l'impression d'y aller un petit peu à reculons. Est-ce que c'était le cas? Ben, honnêtement, je vivais des choses au niveau personnel qui me faisaient comme « Ok, je vais aller le voir parce que c'est prévu au programme », mais tu sais, je réfléchissais plus trop. Okay. Ceci étant dit, en sortant du film, c'est vrai que je me serais acheté le soundtrack. Ouais, je l'aurais acheté parce qu'honnêtement, les chansons sont entraînantes, puis c'est de la pop, là, tu sais, c'est de la pop qui te rentre dans la tête, puis qui reste là. T'as mentionné G.I. Joe, on va le dire au passage, le réalisateur du film, c'est John M. Chu qui a réalisé le deuxième G.I. Joe. Et il a réalisé aussi Step Up 2 puis Step Up 3D. Il a fait deux films de Justin Bieber. Puis c'est lui qui va réaliser l'année prochaine la suite de Now You See Me, le film de magicien avec J.C. Eisenberg. À moins que ça change. À moins que ça change, évidemment. Alors, ben, tantôt, j'ai complètement oublié de faire quelque chose que je voulais faire, mais pour passer au prochain segment, je vais actionner mes petites boucles d'oreilles roses et dire que le spectacle commence. Synergie. Oh my God. Allez, Jeff, il est vraiment dedans. Là. Il a fait ça full concept. Ça ne m'étonnerait même pas qu'il porte les vraies boucles d'oreilles en ce moment. Là. On peut les commander sur Amazon. Moi, je garde le mystère. On peut les commander sur Amazon, je dis ça. Ah, pour vrai. Donc, premier segment, on va parler chacun de notre tour. Ben, on va parler, non, ça va être une conversation ouverte, en fait, pas chacun de notre tour, mais une conversation ouverte sur les points positifs du film. Après ça, on va faire les points négatifs et on reviendra plus tard à la fin avec notre opinion, chacun, l'opinion générale. Donc, positif. Qui voudrait commencer? Moi, j'ai un point positif. Ben, j'en ai plusieurs, là. Mais j'ai un point positif. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans le film. Puis je sais que ça a tapé ses nerfs de bien des critiques cinéma. Mais moi, j'ai aimé ça. Puisque Gem se fait découvrir sur YouTube, dans cette version-ci. Oui. Toute la musique du film, ce sont des vidéos YouTube. Donc, chaque fois qu'il y a un moment de tension, c'est des gens qui c'est tiré d'une vidéo YouTube. Et là, je sais pas comment ça s'est fait, s'ils ont engagé des gens pour tourner des vidéos ou s'ils se sont arrangés avec les gens qui avaient déjà tourné des vidéos. Je sais pas trop comment ça s'est fait, le processus, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant de faire provenir toute la musique de cette façon-là. On voit des vidéos YouTube, on voit à un moment donné, un moment de négociation de contrat. C'est deux personnes qui jouent, qui se font un combat de batterie, puis là, ça met du stress. À un moment donné, il y a Gem qui se cache, puis je me souviens plus exactement, mais c'est une autre vidéo YouTube. Puis ça revient souvent dans le film, puis j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais que c'est une approche cool. Puis puisque Gem est une vedette YouTube dans ce film-là, je trouvais ça bien amené. Excuse-moi, Steven. Ah ben vas-y, c'est correct, je vais dire après au pays. J'allais dire, je seconde, c'est dans les notes aussi, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, puis comme tu dis, le combat un peu de drum, mais ça m'a fait penser, c'est drôle, je pensais que c'était un genre d'écho un peu à Whiplash, qui vient de la même compagnie de production de Jason Blum, puis non, j'ai vraiment aimé comment ça venait ponctuer certaines scènes, puis que c'était tout à fait logique dans la... c'est ça, dans l'esprit de ce film-là, tu sais, qui est très axé sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de trucs de Twitter, Instagram, tout ça. Fait que c'est vraiment... Tout d'abord, c'est un film vraiment pour la génération des millennials qui utilisent beaucoup, beaucoup Internet et les réseaux sociaux. Fait que je trouvais que ça fitait tout à fait dans le thème. Mais pas. Ils utilisent YouTube et Twitter et Google, mais ils n'utilisent pas Facebook parce que c'est pas la même... parce que c'est pas Google. C'est vrai. J'ai pas réalisé, mais c'est vrai. Oui. Oui, Caroline? Oui, ce que je voulais dire aussi sur cet usage-là de vidéos sur Internet, c'est que ça soutient aussi, ça renforce le message du film qui est que, ben, tu sais, Jim, c'est quelqu'un qui a son identité de vedette, mais c'est aussi quelqu'un, tu sais, entre guillemets... comme vous et moi, qui vit une vie normale. Puis, tu sais, toutes les gens que tu vois qui font leurs autres vidéos sur Internet, c'est toutes des personnes qui ne sont pas des vedettes. Puis ça vient comme un peu dire aux spectateurs, ben vous autres aussi, vous faites peut-être des vidéos sur YouTube. Puis, ben comme vous faites partie de cette vaste communauté-là de gens qui s'expriment sur Internet, puis qui sait, peut-être deviendront célèbres ou pas. Mais je pense que ça vient un peu... entretenir ce lien-là entre la protagoniste puis le public, puis ça contribue à ça aussi, je trouve. Ah, mais j'avais vraiment beaucoup pensé à ça aussi avec justement le message du film. Où, moi, si j'avais été une adolescente là, puis j'avais vu ce film-là, je me serais dit mais tout est possible, le monde est à moi, c'est, tu sais, je serais sorti de là vraiment vraiment positif et plein de rêves. Là. Moi aussi, je serais sorti, je me serais acheté une guitare ou un micro ou quelque chose, puis j'aurais voulu devenir une vedette. Là, t'sais. Puis une bonne webcam. Mais ça te dit que c'est possible, t'sais. Puis je trouve ça intéressant, je trouve ça bien. C'est drôle parce que la première scène qu'on voit les musiques de YouTube en image avec la bataille de drums qu'elle essaie de dealer le contrat pour avoir ses sœurs et ses amis avec elle, je trouvais l'idée intéressante parce que la vidéo qui monte en même temps, c'est une bataille de drum. Enfin, je veux dire, ça fitait avec le contexte qui était en train de se battre avec un autre. Puis à chaque fois qu'il y en a une qui shootait une réponse, mais le rip fitait avec la bataille de drum. Je trouvais ça intéressant. Mais au fur et à mesure que le film avançait et que je voyais que la musique était faite avec ça, je trouvais que l'incrustation des images de YouTube dans des moments où c'est supposé être suspense ou que c'est supposé mettre un petit peu d'entrain, je trouvais que ça n'avait pas sa place, puis je voyais pas d'intérêt. Je comprenais le fait d'utiliser la musique. De quoi de positif? Oui, j'en viens à ça. Non, mais c'est ça, je voyais pas l'intérêt, je trouvais l'idée bonne, mais je trouvais pas ça utile de mettre les images de YouTube en même temps. Et lorsqu'on arrive vers les 5 dernières minutes du film, puis qu'on voit en fait le gros message, puis tout le gros monologue qu'on a, veut pas, j'ai comme trouvé que finalement ça avait sa place, puis je comprenais un peu mieux l'intérêt de toutes ces images-là. Mais au départ, j'étais un petit peu sceptique au fur et à mesure que le film avançait. Oui. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter sur ce point-là? Non, mais je peux dire quelque chose de positif. Bien sûr. Il y a Molly Ringwald dans le film. Oui, ben j'ai vu un de mes amis qui a fait une... On est allé, nous autres, avec un de nos amis ici dans notre ville, puis il a écrit une critique sur... c'est un critique professionnel, lui, ce gars-là, puis il a écrit une critique sur Internet, puis il n'a pas aimé... Molly Ringwald, en fait, il l'a même pas reconnu. Il s'est rendu compte qu'il était dans le film quand il a vu le générique à la fin. Ce que je trouve ridicule parce que je trouve qu'elle n'a pas changé du tout. Mais, non, moi, je l'ai reconnu tout de suite. Steven ne l'a pas reconnu, par exemple. Ah, OK. Non, moi, c'est parce que je l'ai déjà vu de nos jours, tu sais. Puis, je sais de quoi elle a l'air. En tout cas. Mais non, moi, je trouve qu'elle joue très bien son rôle. Ce n'est pas non plus le plus grand rôle au monde. Ce n'est pas la meilleure actrice au monde. Mais je trouve que dans les circonstances, elle fait bien sa job. Assez présente, je trouve. Mais time out, là. Si on est pour parler des actrices, moi, je vais amener le point positif de tout le film, mon gros point positif, la raison pour laquelle tout ce film est supportable, c'est Juliette Lewis. Oui! Elle est écœurante dans ce film-là. Elle joue une bitch géniale. elle est parfaite, elle a du répondant, elle est ça accroche là. Je trouve que son interprétation est superbe. Alors, je trouve qu'elle fait très bien ce qui est écrit sur papier, je suppose, parce que j'ai pas lu le scénario évidemment, mais c'est dans mes points négatifs, en tout cas c'est pas grave, on va tout mélanger ça un peu là, mais moi je trouve que son personnage fit pas avec le ton du film, le ton qui est plus réaliste, semi-documentaire du film. Elle sort tout droit d'un cartoon, puis c'est là que le film clash, selon moi. Il y a vraiment une grosse dichotomie entre ce côté cartoon qu'ils ont essayé de respecter dans certains moments, dans certains aspects, et le côté plus réaliste, YouTube, l'ère des millennials et tout ça, qu'ils essayent d'amener, puis le genre de commentaire social qu'ils essayent d'amener en disant « soyez vous-même », puis tout ce qui concerne la projection de l'image sur Internet et tout ça, qui ne fit pas justement avec son personnage qui est vraiment trop gros et vraiment trop exagéré et qui sort comme... qui est plus gros que le visage dans le nez. Tu sais, je veux dire, qui est vraiment trop... Le visage dans le nez? Le nez dans le visage. En tout cas, mais tu sais, j'essaie de trouver une image, mais enfin... Ça, je trouve qu'il est vraiment trop... écrit trop gros, son personnage. Mais je pense que c'est justement pour ça qu'elle m'a plu, c'est que justement, elle est plus comme le cartoon. Mais c'est ça aussi, le film, puis là, je mélange encore des trucs, mais le film, c'est pas vraiment jongler avec ces deux aspects-là, tu sais. Ce qu'il veut apporter de réaliste, et le côté cartoon, il y a vraiment de la difficulté à ce niveau-là, je trouve. Ouais. Il y a de la misère avec plusieurs tons et plusieurs choses qu'il veut dire. Il essaie d'avoir trop de contenu alors qu'il n'est pas capable d'en choisir un. C'est parce qu'il veut faire plaisir aux fans. Il veut faire plaisir aux fans de la première heure, ce qu'il n'arrive pas nécessairement à faire, en amenant une proposition qui est vraiment intéressante, qui aurait pu donner qui arrive quasiment à lui donner une identité propre, qui se détache du cartoon. Mais c'est ça, il n'arrive pas vraiment à s'en détacher parce qu'il ne peut pas s'en détacher pour plaire aux fans, tu sais. Mais en tout cas, on va revenir sur Juliette Lewis. Je trouve qu'elle est vraiment très bonne dans ce qu'elle fait. En tout cas, je sais pas si c'est la direction de John Chu ou si c'est l'écriture. Mais elle est vraiment très, très bonne. Ça a toujours été une actrice que j'aimais. Puis je trouve qu'elle fait très bien ce qu'elle a à faire. Écoute, moi, j'aurais envie de revoir le film, ne serait-ce que pour les scènes de Juliette Lewis. Oui, je suis d'accord. C'est certaines de mes scènes préférées. Et pour la fin, mais ça, on y reviendra. Oui. Mais la scène où est-ce que les quatre membres de Jem et les hologrammes sont en limousine, puis s'apprêtent à débarquer sur une espèce de tapis rouge. Puis oui. Là, t'as Erika qui leur explique comme c'est quoi l'attitude, puis comment prendre la pose, puis comment avoir du fun, mais pas trop, puis les regards, puis tout ça. Puis il faut que les filles squinchent. Ouais, oui, oui. Squinchent. Moi, j'aurais voulu avoir plus de stock comme ça. C'est très... Mais ça, c'est pas mal un de ses meilleurs bouts. Puis la première fois qu'elle les rencontre dans la maison aussi, puis... Oui! Puis lorsqu'elle fait découvrir l'affiche de promotion du groupe, puis les filles sont comme « Mon Dieu, c'est nous! » Non, c'est Photoshop. Ouais. mais son arrivée détonne, là. C'est comme une superstar qui arrive sur le film. Tu sais, c'était comme un film indépendant jusqu'à ce qu'elle arrive. Ouais, mais c'est ça. C'est une bonne chose. Tu sais, elle, c'est une bonne chose, mais ça reste que c'est un problème pour le film en tant que tel, tu sais. Puis comme je disais, moi, au départ, moi, j'aime beaucoup Aubrey Peoples, puis je trouve qu'elle fait une très bonne job en Jem. Je trouve qu'elle... Dans le style de ses films indépendants, tout ça, jeu plus réaliste et tout ça, plus terre à terre, elle est vraiment très bonne là-dedans. C'est une très bonne chanteuse et tout ça. Mais c'est ça clash avec Juliette Lewis. Tu peux pas vraiment concilier ces deux-là puis faire quelque chose de cohérent, tu sais. C'est peut-être parce que là, je vais dire une des points positifs que je trouvais. Je trouvais les 20 premières minutes ou les 30 quand même réussis, je trouvais que c'était quand même cohérent, puis tu sais, ils assumaient la direction qu'ils prenaient face au dessin animé, et le fait qu'on découvrait pas mal tous les personnages dans leur petit trait quotidien avec la mère, puis au fur et à mesure que sa sœur va finir par prendre la vidéo, la mettre sur YouTube, je trouvais que l'histoire tenait la route, puis que c'était quand même agréable à suivre. Mais c'est que par la suite, c'est là, comme tu dis, à partir de Juliette Lewis, quand elle arrive, tu as des tons qui se rajoutent, puis ensuite, tu as d'autres intrigues. Puis je trouve que par la suite, le réalisateur a du mal à raconter le restant de son histoire, alors que le début, je le trouvais quand même agréable à suivre. Puis je me disais, ouais, finalement, ça va peut-être être un meilleur film que qu'est-ce que j'imaginais. Là. Ouais. Mais oui? Pour continuer sur les points positifs, je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé des scènes musicales. des moments où est-ce que les filles enregistrent leur musique ou se produisent sur scène et des trucs comme ça. Mais moi, je trouve que comme gros vidéoclip, ça reste le fun. Hey, Sylvain parlait de la trame sonore plus tôt, puis disait que ben, c'est de la bonne pop, ça te rentre dans la tête. Je veux dire, c'est pas désagréable. Ça look, ça sonne le fun. Ben, c'est les moments qui fonctionnent le plus, je trouve. Surtout la grosse scène pour Youngblood, qui est probablement la meilleure chanson du film. Je trouve que c'est facilement la meilleure scène du film si on exclut les moments avec Juliette Lewis. Je la trouve entraînante, la scène, puis j'étais vraiment dedans au bout. Quand il perd l'électricité, là? Ouais. Ben, en fait, c'est cette chanson-là qui fait le plus Jem. Parce que la tune Lady Gaga, qui est habillée en Lady Gaga, ça fait pas vraiment Jem. Non, mais j'ai aimé ce puis moment-là, mais tu sais, en même temps, c'est comme tu dis, ça fait pas Jem, mais j'ai beaucoup du aimé tout. Ce moment-là. Puis à la fin, la tune à la Mumford & Sons, ça fait pas vraiment Jem non plus. Non. Fait que c'est comme si c'était dit, on va prendre le plus de styles de musique populaire dans la pop, assure que ça soit pas de la musique de Jem, à part Youngblood. Mais moi, je trouve ça drôle parce que tu parles de la chanson Lady Gaga, parce que je me dis, quand j'ai vu cette scène-là, je me suis dit, si Jem se faisait aujourd'hui, il y aurait ça dedans. Ça serait ça. C'est le moment dans l'épisode où Jem a une réflexion sur elle-même par rapport à ce qu'elle a fait et tout ça. Puis, tu sais, on aurait un vidéoclip. Puis je trouvais que ça faisait vraiment épisode de Jem. Évidemment, ça, la musique moins, évidemment, la musique est plus moderne, mais je trouvais que ça faisait vraiment épisode. Et puis, pour aussi, il y a une chanson, la chanson qu'elle chante sous le quai. Oh oui. Moi, je l'aime pas du. Ben, moi, de toute façon. Moi, je l'ai pas aimé. Non, moi non plus. Moi, j'ai adoré ce moment-là. Ben, moi aussi, j'ai adoré. Ben, attendez, c'est ça l'affaire. C'est que moi, j'ai aimé le moment, mais j'ai pas aimé la chanson. Parce que de toute façon, même dans le cartoon, les ballades, j'ai jamais été fan. Mais je trouvais encore là que ça faisait Jem. Parce qu'elle est là, elle est en train de vivre un moment, ils sont en train de vivre quelque chose. Puis là, il y a la chanson qui arrive. Il manquait juste le titre de la chanson, puis Jem et les hologrammes en dessous. Mm-hmm. puis je me sentais comme dans le cartoon. T'sais. Honnêtement, les chansons, c'est les moments où je me sentais le plus proche de la série. Encore là, c'est difficile pour le réalisateur et tout ça et tout ce monde-là de concilier le vieux cartoon avec ce qu'ils veulent faire. Puis ils n'ont pas le choix d'aller dans la musique contemporaine, je pense. Si ça avait pris quelque chose qui sonne 3 années 80, ça n'aurait pas fité, puis ça n'aurait pas plu aux jeunes. T'sais, même si les jeunes, on sait qu'ils n'ont pas été au rendez-vous, mais pour essayer de les attirer en faisant le film, ben, il faudrait faire quelque chose de plus contemporain. Non, ça, c'est correct, mais j'aurais aimé que ça soit plus consistant, que ça ne soit pas autant varié. Ouais. Parce que d'habitude, quand tu as un groupe de musique, oui, tu vas essayer d'évoluer en tant que groupe, mais pas en l'espace d'une semaine, faire genre 4 styles différents. Non, ça, je comprends ça. Mais encore là, je trouve qu'on n'entend pas tant de chansons que ça de Jem et les hologrammes. Je veux dire, en tant que tel, si on les compte, il y en a juste 3 qui sont faites sur le stage, dont une qui est tout seul. Fait qu'on n'entend pas tant de musique que ça du groupe. Là. Non, c'est ça, ils n'ont pas pris 3 ou 4. Puis, il y en a 4 au total avec celle en dessous du quai. Ben, je la compte plus ou moins, mais comme toi, Jeff, celle en dessous du quai, je l'ai beaucoup aimé. Pas forcément à cause des paroles ou de la chanson elle-même, mais c'est plus que j'adore les moments musicaux où il n'y a pas d'instruments puis ouais. Le monde réagisse avec des bruits ou des bouteilles. Puis ça arrive justement durant la chanson de Youngblood quand il manque d'électricité. Puis j'ai encore plus trippé sur cette scène-là à cause de ça. Fait que la scène sur le quai, je l'ai beaucoup adoré à cause de ça. Puis ça faisait, je trouvais que ça faisait une belle chimie pour le groupe. Puis on s'y intéressait un peu plus dans ces petits moments-là. Ça t'a-tu fait penser à la chanson dans Caveman? Non, non, mais c'est un moment qui se ressemble un peu. Non, oui, c'est vrai. Mais non, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la première chanson sur YouTube. Je réécoutais la soundtrack encore aujourd'hui, puis j'aime vraiment ça. La première chanson sur YouTube, qu'elle chante tout seul, j'aime vraiment ça. Puis le moment Lady Gaga, moi, c'est ça. J'ai beaucoup aimé visuellement de quoi ça avait l'air. T'sais, la chanson, sur le coup, plus ou moins, en la réécoutant, je l'aime vraiment beaucoup, là, mais en voyant le film, c'est surtout le visuel, puis la chorégraphie, tout ça qui m'a intéressé. Là. Ça convient vraiment bien à ce qu'elle est en train de vivre. Oui. C'est ça que j'aimais. Pour moi, je la comparais à... Ben, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous autres, les gars, les filles, vous allez peut-être comprendre de quoi je parle, mais Show Me The Way, dans le show. En tout cas, la chanson me faisait penser à cette chanson-là, où c'est comme... C'est un moment vraiment... vraiment de réflexion sur elle-même. On arrête l'intrigue, puis on se concentre sur soi, puis on fait une chanson avec ça. Ça m'avait vraiment fait triper. C'est un des bons moments pour moi du film. Pour revenir sur les actrices, qu'est-ce que vous avez pensé de Kimber, Stephanie Scott? C'est la principale qui joue Jem, ça? Non, c'est Kimber. C'est la sœur. Okay. Tu sais, la sœur pas aimée, là. Sa sœur biologique. Ouais, ben, faut que j'en parle tantôt. Ouais, moi tout. Honnêtement, je trouve que dans le groupe, les deux personnages les plus intéressants à suivre, c'est Jem et sa sœur. Je trouve que c'est ceux-là qui ont le plus de couches, tandis que les autres, on s'y intéresse un peu moins et sont moins présentes également, je trouve. T'sais, ils sont là avec eux, mais ils sont pas là en même temps. Je trouve qu'ils ont pas tant de dialogue que ça, à part pour des running gags sur la voleuse qui volent tout dans la maison. Ils sont pas super intéressants. Non, ils m'ont pas laissé une... Puis l'actrice, t'as trouvé comment? Elle a joué dans Insidious 3. Je veux savoir, est-tu une bonne actrice en général dans les deux films? Puis... C'est pas qu'on l'avait vu, qu'on l'a vu. Oui, dans Insidious 3, je trouve qu'elle a fait une bonne job, là. Ouais, elle était bien, elle était convaincante, mais dans ce film-ci... Elle était ordinaire. Ouais, ben en même temps, je me demande qu'est-ce qu'une autre actrice aurait pu amener à ce rôle-là, tu sais. Je pense qu'elle a fait une bonne job, puis j'ai pas envie de cracher sur elle, c'est juste ce qu'elle avait à faire. Peut-être ce qu'elle pouvait avec ce qui était donné. Ben, c'est ça que j'allais dire. Je sais qu'on rentrait pas tout de suite dans les défauts, mais c'est mal écrit à partir de la deuxième moitié du film, à partir de quand ils chantent leur première chanson. Il n'y a pas de laps de temps. Fait qu'on bascule entre moment joyeux du groupe que leur carrière d'école à le groupe se sépare, c'est déjà terminé. Fait que je trouve que tout arrive tellement vite qu'on n'a pas le temps d'élaborer absolument rien. Puis tu sais, c'est un film de 2 heures. Et pourtant, je trouvais que ça allait beaucoup trop vite. OK, ben vu qu'on... De toute façon, on peut laisser tomber ma proposition de faire ça en deux temps. On peut parler des trucs négatifs aussi parce qu'on en parle de toute façon. Parce que j'ai une question par rapport à ça. Tu dis que la deuxième partie, ça tombe un peu à plat, ça marche moins bien que la première partie. Est-ce que c'est à cause de Rio, de l'histoire avec Juliette Lewis, des trucs comme ça, ou est-ce que c'est le côté science-fiction, mystère, la recherche d'indices, tout ça? Qu'est-ce qui marche pas selon toi dans la deuxième partie? Je trouve qu'il y a trop de choses. Justement, entre tout ça, il doit élaborer le mystère puzzle avec le truc avec le groupe qui décolle, ces choses-là. T'as l'autre relation amoureuse, on peut dire, avec l'autre gars. Il y a comme trop d'intrigues en même temps pour qu'il y ait le temps de tout élaborer. Fait que ça fait tout de manière brouillon. C'est très confus. Et je trouve qu'il n'y a pas le temps de rien développer à partir de là. Puis on s'y intéresse de moins en moins au fur et à mesure que le film avance. Et évidemment, comme tout film de ce genre-là, on fait appel à des montages. On avait besoin du montage obligatoire d'essayage de vêtements et de apprendre à marcher sur un catwalk, des trucs comme ça. Là, Mais c'est justement pour faire en sorte qu'on fait passer du temps rapidement parce qu'on peut pas tout raconter, on peut pas tout montrer non plus. Mais c'est ça, qu'est-ce que vous avez pensé de Synergie et tout cet aspect-là du film qui était complètement différent du dessin animé? Moi, c'est parce que là, on tombe vraiment dans les aspects négatifs. Là. Pour moi, Synergie, le petit robot, là, j'ai l'impression que les scénaristes se sont dit « Ah ben là, on fait Jem, ah ben là, ça va prendre Synergie, ça va prendre... Il va falloir qu'on ait Synergie sous une quelconque forme. OK, ça va être un robot. OK, il va manquer des morceaux. OK, elle va chercher des affaires. » Si t'enlevais... Puis le pire, c'est Jem et des hologrammes, mais si t'avais enlevé Synergie, je pense que le film aurait été vraiment plus fort et plus intéressant. Il aurait élaboré les aspects qui sont plus intéressants que tout ce puzzle-là qui mène à quelque chose de finalement... Qui mène à rien. À rien, mais tu sais, tu dis tout ça pour ça. Ah, vraiment. Je veux dire, tout ce que j'ai retenu de l'aventure avec Synergie, c'est que ce gars-là, là, ce père-là, il aimait juste un de ses deux enfants. L'autre, il s'en crissait. Là. Elle n'a pas eu de cadeau, elle n'a pas eu de souvenir. Lui, c'était toute elle. Là. Oublie pas comment je t'aime, t'es mon Jem. Et voyons, c'est... Non. Non, je pense que tout le monde vient de toucher aux deux gros points négatifs qui font en sorte que, pour moi, il y a des gros problèmes avec ce film-là. Synergie, c'est vraiment un moyen ben trop compliqué pour rien pour que le père décédé puisse communiquer tout son amour avec sa fille. Puis, tu sais, il y a des moments de la quête qui ont juste pas de bon sens. Là. Je veux dire, ils vont chercher le premier morceau sur un quai à Santa Monica. Tu fais comme... Ça fait 15 ans que cette bebelle-là est cachée en dessous d'une planche que t'as même pas besoin d'un tournevis pour soulever. Voyons donc! Voyons si ça va être encore là. Puis la guitare qui est pognée là dans un club. Oui. T'sais, on le sait que les clubs, ça ouvre, ça ferme, ça se détruit, ça brûle. T'sais, c'est comme voir que ça... Comme ça, ah, elle reconnaît la guitare. Elle voit oui, parmi ça, les 50 c'est... autres guitares. Puis il n'y en a pas deux de ce modèle-là qui peuvent exister dans le monde. C'est sûr que c'est la guitare de son père. C'est sûr que c'est celle-là. C'est... Mais si c'est ça. Si elle jamais retourné à L.A., mettons qu'elle serait, je ne sais pas, devenue infirmière dans où qu'elle habitait. Là. Le puzzle de son père, elle aurait elle n'aurait jamais eu le message de son père. Là. Ben, je me fais l'avocat du diable en disant peut-être bien qu'il... Il s'est juste dit qu'elle allait prendre une chance, que peut-être elle allait tomber dessus ou pas. T'sais. Mais tu sais, tu veux pas exprimer tes émotions puis ton amour pour tes enfants dans quelque chose d'un petit peu plus safe comme une lettre? Ou... C'est ça, il prend une grosse chance non, pour non, pas qu'elle voie. Non, pas pour tes enfants, pour un de tes enfants. Mais non, c'est ça. Puis là, Chantal, surtout, l'autre... Moi, mon gros problème avec le film, c'est pauvre petite sœur. Oui, moi, à sa place, j'aurais backstabé Jericho. Écoute, pas de boucle d'oreille, pas de robot, pas de message. Fuck you, la jeune. Comme, ben oui. Il y a eu un moment dans le film là, que je me disais, c'est pas sa sœur pour de vrai. Ben, encore là, je vais faire juste l'avocat du diable. Elle a quel âge, Kimba, par rapport à Jericho? Ben, là, c'est différent. La partie qui fait pas de sens dans le film. C'est qu'à un moment donné, elle mentionne qu'elle était bébé quand son père est mort. Mm-hmm. Mais la photo qui nous remonte une couple de fois dans le film, elle a l'air d'avoir, tu sais, comme 3-4 ans. Ouais. Parce que je me dis, tu sais, le père était de toute évidence plus près de Jericho que son bébé qui a à peine connu, tu sais, fait je me dis c'est pour ça qu'il y a plus un plus gros attachement vers c'est sa fille. C'est exactement t'sais. Ce que j'avais dit à Chantal, je dis, ouais mais dans le fond il y a pas eu le temps de la connaître. Ouais mais c'est ça marche pas de même, tu devrais le savoir tes parents, ça marche pas de même là. Puis admettons que OK, oui, tu es vraiment plus attaché à ton enfant aîné que l'autre. Comme réfléchis 5 minutes puis dis-toi est-ce que je veux que mes enfants aient une bonne relation entre eux plus tard? Quand moi, je serai plus là, ou je veux qu'il y en ait une des deux qui soit vraiment déçue, puis qu'il haïsse l'autre. C'est une chose, dans le fond, qu'elle n'a pas écouté la vidéo avec sa sœur pour que sa sœur dise « Mais pourquoi il ne me mentionne pas, moi? » Il la mentionne une fois, Il la mentionne une fois, il dit « Vous êtes les deux choses les plus importantes dans ma vie. » Mais c'est clair que tout le long, il parle... Mais peut-être bien qu'il se fiait à Jem pour trouver les affaires parce que c'était elle la plus vieille en disant ben, « Tu vas le faire effectuer ça à toi et à ta sœur. » Mais faire écouter quoi? Faire écouter le message dédié à elle? C'est comme, viens ici, je vais te donner un coup de poing dans le ventre. Juste te rappeler à quel point que je suis plus importante que toi. En fait, c'est parce que Jeff se sent encore le défenseur de Jem, même après avoir vu le film, c'est ça qui arrive. Non, mais je me dis, en tout cas, il l'a mentionné un peu, tu sais, je me dis, c'est pas si pire que ça. Puis il y a des parents quand même qui ont un enfant préféré, même s'ils l'avouent pas, je sais que ça arrive, tu sais. Oui, sauf que tu sais, dire qu'il l'a mentionné quand même, c'est comme si, mettons, genre... Maman, elle arriverait, puis là, elle ferait tout un éloge de ma sœur, puis elle me dirait « Ouais, mais je t'aime quand même. » Ah, puis en passant, ouais, c'est pas pire ce que t'as fait, tu sais. Ouais, c'est ça. Ah, toi aussi! Toi aussi, tu sais, t'es bien correct, t'es bien swell. Tu sais, c'est pas assez bon pour personne, là. De toute manière, même si la vidéo aurait mentionné les deux sœurs avec un beau message, n'empêche que c'est une sous-intrigue complètement inutile qu'on s'en bat. Mais le fait qu'on s'en crissait déjà, là, ça fait qu'on s'en crisse en se mettant en crisse. Non, mais... c'est comme une coche de plus. En plus, tu te dis là, vraiment, là, toutes ces étapes-là qui faisaient aucun sens, ça aurait pu juste être une VHS qui a laissé, genre, en héritage, tu sais. Ça aurait pu juste être ça, là. Non, en fait, elle aurait pu juste allumer le robot, puis le robot s'allume avec le message de son père. Ouais. Ça aurait été plus simple qu'aller chercher des petites cassettes à l'autre bout, là. Mais tant qu'à parler des affaires qui font pas de bon sens, moi, j'en ai une liste, là, parce que là, on est parti là-dessus. Je t'écoute, parce que... Premièrement... Oui, je l'ai pas aimé, le film. OK. Fait que shoot. Premièrement, la fille a fait une vidéo sur YouTube. Elle devient virale. Premièrement, moi, je trouvais ça très drôle qu'il parlait beaucoup du squirrel, du The Water King School. Oui, oui, l'écureuil qui faisait. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui a vérifié si ça existait? J'ai complètement oublié. Oui, ça existait. Oui, oui, ça existait. Oui, oui, ça existait. Je l'avais déjà vu. Puis, ça, c'est le genre de truc qui devient viral. Un gars ou une fille qui fait une chanson peut éventuellement devenir viral, mais pas overnight, tu sais. Mais, whatever. OK, mettons qu'elle devient super populaire parce qu'elle a fait une toune sur YouTube. Le soir où elle fait son premier show, parce qu'elle n'a rien fait d'autre, là. Elle a fait une toune sur YouTube puis tout le monde capote. Elle ne fait pas cette chanson-là. Premièrement, elle ne fait pas cette chanson-là, c'est vrai, tu as raison, mais ce n'est pas ça mon point. Mon point, c'est que quand elle arrive, les gens capotent. Ils ont Jem écrit dans sa main, ils attendent sur le tapis rouge. C'est comme la vedette de l'heure parce qu'elle a fait une chanson sur YouTube. Et non seulement ça, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça, moi, ça m'a fait capoter. C'est tout du monde de 30 ans et plus. Il n'y a personne en bas de 30 ans là-dedans. Puis moi, je me dis, adolescent, oui, tu regardes 5 filles faire les connes dans un hôtel puis chanter « If you wanna be my lover », ça devient les reines de ma vie, je peux comprendre. Mais à 30 ans, là, ça fait dur. Sérieusement, là, c'est impossible que ce soit toutes des personnes de 30 ans et plus. Et donc, c'est ça. Donc, elle fait son show et c'est supposé être le plus grand club. Ça a l'air de mon salon chez nous quand il y a 3-4 personnes dedans. Là. Puis je comprends que c'est des trucs de budget, mais tu sais, je viens juste de voir le film Spy. Avec Melissa McCarthy, puis à un moment donné, il y a une scène de club avec une des chansons de Jem, justement. Puis il y a une scène de club dans ce film-là, puis c'est pas une grosse scène de club, mais ça a l'air d'un méga gros club comparé à ce qu'il y a dans Jem. Puis dans Jem, c'est supposé être comme le bout de la marbre, là, tu sais. Ben oui, c'est un club mythique de Los Angeles, c'est cool. Ben oui. Mais ça, en même temps, tu pourrais parler de. On pourrait aller à Montréal, puis parler du Divan Orange, qui a une bonne réputation, puis qui est petit comme notre salon aussi, là. Ouais, mais je sais. C'est pas tant que c'est petit que le nombre de personnes qu'il y a dedans. Oui. Ça fait cheap. Ça oui. C'est pas cheap. Compliqué. Quand tu regardes la grosseur du club avec le décor et avec le monde de 30 ans et des lunettes, on se croirait dans un Starbucks. C'est vrai. Puis il y a une autre affaire qui m'a vraiment gossé aussi, c'est que souvent dans le film, il y a des vidéos YouTube. On a parlé des vidéos YouTube de musique, mais aussi des vidéos YouTube où les gens expriment leur amour pour Jem. Puis ça m'a vraiment gossé parce que tu vois sur les vêtements des gens ou sur le mur derrière eux le logo de Jem, la série. Donc quand ils disent. Il parle pas de la fille qui vient de sortir une vidéo sur YouTube, là. Il parle de la vieille série. Puis tu sais, je trouve que c'est une certaine manipulation de réutiliser ces vidéos-là. Puis je sais pas dans quel contexte ça a été fait. Là. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça a été fait pour le film? Est-ce que c'est une demande des studios qui ont demandé aux gens, tu sais, un genre de concours ou quelque chose comme ça? Ou bien c'est des vidéos qu'ils ont pris qui existaient déjà sur YouTube? Mais même si c'est une demande, quand les gens ont mis leurs vêtements de Jem, ils parlaient de Jem, la série. Ouais, ben ils s'attendaient à ce que le film fasse plus référence à la série, j'imagine. Ben c'est ça. Puis je trouve que c'est une manipulation vraiment malhonnête. Là. Ouais, puis j'ai dit ça à Steven aussi. J'ai dit, t'imagines-tu le monde qui sont là-dedans, là? Après ça, ils vont voir le film puis ils vont faire, ah, non! Non, mais de toute façon, juste en voyant le trailer, ils se sont sans doute déjà dit, OK, c'est pas pantoute ce à quoi je m'attendais, j'aurais pas dû mettre ce chandail-là. Ouais, ou j'aurais pas dû faire cette vidéo-là. Mais pour faire écho à ce que Sylvain disait sur les trucs qui sont pas très cohérents avec comme le début de la célébrité de Jem. Tu sais, au début, elle est super timide. Elle n'est même pas sûre qu'elle veut mettre son vidéo sur Internet pour commencer. Puis là, à la minute qu'il commence à avoir du monde qui l'écoute, puis que Erika débarque avec ses culottes en argent, elle est prête à aller signer un contrat. Je pense que secrètement, elle voulait le faire, puis elle attendait que quelqu'un y botte le cul pour aller le faire, tu sais. Honnêtement, on te l'a déjà dit, là, mais t'es vraiment l'avocat du diable ce soir. Oui. Ben, OK, moi, je veux dire, comme Chantal a déjà révélé son opinion, moi, j'ai aimé le film, fait que je le défends. mais il y a un autre truc qui me faisait vraiment battriper, c'est la motivation de Juliette Lewis. Puis Dieu sait que je l'ai adoré dans le film, là. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais pourquoi elle veut lui faire une carrière solo absolument après que le groupe ait fait un buzz. Moi non plus, j'ai pas compris. Hey, One Direction, Five Seconds of Summer, tout ça, là, je me souviens, moi je suis débranché des affaires des Jones, là, je sais pas trop. Mais tu sais, il y a plein de boys bands en ce moment, des girls bands, des affaires comme ça. Pourquoi qu'il veut absolument que Jim fasse une carrière solo? Ça fait aucun sens. En ayant quatre, puis en plus, il y a quatre, il y en a deux qui sont d'ethnicités différentes. Les jeunes filles vont s'identifier à elles, les jeunes filles vont vouloir les suivre, elles vont s'habiller comme elles, elles vont avoir leurs préférés. Pourquoi vouloir faire carrière solo? Je comprends pas. Ses motivations sont pas claires. Il y a ça, puis moi, ce qui m'a dérangé, c'est dans mes points négatifs, c'est que juste le fait qu'un gros studio comme ça, une grosse compagnie de disques veut l'engager, ça marche plus vraiment en 2015. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, je crois. Puis c'est dépassé ce modèle-là. T'sais. Fait que c'est vraiment anachronique là, dans un film de 2015 de vouloir intégrer ça. Ils n'avaient pas le choix parce que ça fait partie du show original. Mais d'avoir une grosse compagnie de disques comme ça, qui est un peu evil, mais c'est pas de même que ça se passe aujourd'hui. Puis... Mais t'as pas l'impression que c'est un film qui se déroule un peu comme si c'était plus vieux, plus avant? Sylvain parlait du fait qu'une fille, Noël, qui joue de la guitare, devient virale, mais il y en a des tonnes et des tonnes de jeunes qui font ça puis qui ne deviennent pas forcément... Ouais, mais c'est ça, mais la musique est très 2010-2015, des cinq dernières années, mettons, dans ces styles-là, la musique est très contemporaine, là. Parce que dans le film, on dirait que la manière qu'ils font ça, c'est comme si c'était la première fois que ça arrivait. Là, ils en parlent même à TV. C'est qui est Jim? On veut savoir c'est qui Jim. Elle n'a rien fait d'extraordinaire non plus. Ça me fait penser à l'histoire. Je vais essayer de retrouver l'article et de le publier sur la page Facebook du Bras de Fer. Mais j'ai lu un article l'autre fois d'une chanteuse qui était l'une des premières, ou sinon la première chanteuse qui s'est montée, qui est devenue hyper populaire sur YouTube. Je la connais pas, en fait. Je me rappelle pas de son nom. Puis... Au bout de quelques mois, alors qu'elle s'était buildé un gros public sur YouTube, puis tout le monde l'adorait, elle a signé qu'une compagnie de disques, parce que la compagnie de disques lui promettait plein d'argent et tout ça, puis elle pouvait en fait payer ses factures, tout ça. Puis, ben, ça a juste pas viré comme elle pensait. T'sais, ils ont pas vraiment mis de promotion dans son album. T'sais, gros album, super bien produit, super bien réalisé, t'sais, avec les photos glossy, tout ça, puis tout était extraordinaire, mais ils ont pas vraiment mis de promotion là-dedans, puis ça a pas marché. Puis son public, qui l'adorait sur YouTube, la traitait de vendue, puis ils l'ont tout abandonné. Puis au bout de peut-être un an ou deux, alors qu'elle a sorti de son contrat, complètement détruite moralement, elle a voulu retrouver son public sur YouTube, puis le public était complètement parti, puis il y avait d'autres vedettes qui avaient débarqué sur YouTube, puis qui étaient restées indépendantes et tout ça, puis eux avaient réussi à fidéliser leur public, puis à faire mieux qu'elle, qui était complètement détruite moralement. Puis elle a écrit un article il y a quelques temps, ça fait... Elle disait justement qu'elle a passé les 7-8 dernières années à dealer avec les conséquences de tout ça, puis là, elle était prête à en parler, mais c'était vraiment intéressant comme article, je vais essayer de le retrouver, je me souviens pas de son nom, c'est plate, mais c'était quelque chose qui pouvait se passer à l'époque, justement, comme Steven dit, il y a peut-être 10 ans, 7 ou 8 ans, mais 2015, le film est vraiment... Cet aspect-là du film marche pas pantoute, je trouve, selon moi. Ben, on se retrouve avec quelqu'un qui est devenu célèbre avec les moyens de 2015, mais qui a un contrat de disque de 1985. Ouais. Mais en fait, moi, ce qui me tape le plus ses nerfs, là, parce que là, on n'arrête pas de dire que oh, tel aspect, ça fait vraiment pas de sens. Tel autre aspect, la carrière solo, ça fait pas de sens. La vidéo virale, ça fait pas de sens. les gens de 30 ans qui la regardent, ça fait pas de sens. Mais ultimement, ce qui me fait le plus chier, c'est que je serais pas censé me dire que toutes ces affaires-là font pas de sens puis me choquer. Je serais censé me dire, devant Jim, je serais censé me dire « Wow, ça fait pas de sens puis c'est le fun! » Parce que c'est ça le show! Tu sais, c'est plein d'affaires qui font pas d'allure puis c'est correct puis on le consomme puis c'est cool parce qu'il y a de l'action, il y a des chansons, il y a du glamour puis on se pose pas trop de questions, mais on s'en pose, mais on rit parce que c'est drôle. Ben, en tout cas, quand on a l'âge de saisir le second degré, on rit de certains trucs parce que ça fait pas de bon sens, mais c'est correct puis on aime ça puis on trouve ça divertissant. Là, parce qu'ils ont tellement voulu faire une histoire basée sur les sentiments, basée sur la réalité d'aujourd'hui et tout ça, ça fait que on peut juste les aspects qui font pas de bon sens sautent plus au visage et dérangent. Ouais, je suis d'accord. Puis tu sais, on en revient à la question qui a été évoquée plus tôt. Tu sais, il y a un gros problème dans ce film-là sur le ton. Tu sais, des fois, ça se veut réaliste. Puis des fois, ça se veut cartoon, limite science-fiction avec le petit robot. Fait qu'on dirait qu'ils n'ont pas fait de choix entre les deux. Donc des fois, on a l'impression que le film aurait pu être plus sérieux puis plus réaliste, avec des personnages mieux développés, ou que ça aurait pu être plus drôle, encore plus over the top, avec plus de scènes comme le garde de sécurité qui demande à Jem de signer son bras. Puis, il s'appelle t'sais... Steven en plus. Fait que je trouve qu'à ne pas avoir voulu prendre de décision, les créateurs du film, ils ont comme... sont tombés un petit peu. Mais... Oui, c'est ça. C'est ça ne fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas pris parti. Est-ce qu'on prend Jem puis on en fait un film sérieux ou est-ce qu'on prend Jem puis on va dans le cartoon à fond? Mais tu sais ce que Sylvain dit, qu'on n'a pas le plaisir qu'on devrait avoir avec les choses qui sont over the top, qui étaient over the top dans le dessin animé. Mais moi, je me dis qu'il faisait du sens dans le contexte de dessin animé en 85 ou dans ces années-là. Tu sais, je veux dire, ouais. Il y a eu tellement eu des histoires d'excès puis d'abus dans les, parmi les bands qui étaient payés par les gros studios puis qui avaient une tonne d'argent, les limousines, les chars, les femmes, tout ça. Je veux dire... Ça existait, ces choses-là. Ça n'existe plus maintenant, fait qu'on n'a pas le choix de le regarder comme quelque chose qui ne fonctionne pas et qui est anachronique. C'est tout ça, anachronique? Ouais. Ouais. Puis, tu sais, mais à l'époque, si tu te remets dans le contexte, ça fonctionne, tu sais, le glamour, tout ça, les cheveux crêpés, tout ça, ça, c'est exactement ça. C'était exactement ça. Ben, c'était, veux pas, c'était exagéré de s'animer, mais c'était un peu le reflet de ce qui se passait dans l'industrie du disque à l'époque, tu sais. Ah oui, Jem a les cheveux quasiment du chanteur de Poison, mais... C'est ça. Puis je suis sûr qu'on pourrait lire plein d'histoires de la Final Spinal Tap, des trucs comme ça, plein d'histoires d'abus, puis de trucs qui sont passés dans les coulisses, mais ça fit un peu, je trouve, avec l'époque. Puis c'est tout ce côté-là fit pas dans le film de 2015. Puis moi, c'est ça qui me dérange. J'aurais préféré qu'il garde l'aspect plus, tu sais, indépendant, le style Blumhouse un peu, tu sais, de caméra à l'épaule, tu sais, le style un peu, tu sais, avec toutes les images de YouTube, tout ça. Moi, j'aime vraiment ce côté-là du film, cet aspect-là réaliste du film. Que moi, c'est vraiment ça qui m'a plus intéressé, là. Parce que je trouvais que tout ce qui venait du cartoon était mal amené, comme la... Tu sais, des fois, ils font des petites références au cartoon, comme le Truly Truly Outrageous au début, dans le garage. C'est tellement mal amené, cette réplique-là. Ça, ouais. Ça nous a juste fait rire, tu sais. Mais ouais, rire jaune, tu sais, c'était comme, non, non. Ils ont pas fait ça. C'est parce que l'autre aussi là, m'a donné quelques reflux gastriques. C'était le tu sais, à un moment donné, Rio lui parle avec vraiment avec beaucoup de sérieux, puis lui dit: oh, tu sais, tout ce glamour, glitter, fashion and fame. Puis j'ai comme, tu sais, ça m'a fait rire. Ah, il faut vraiment la placer, fait qu'on va la placer là, mais que l'acteur est pas à l'aise. Oui, puis les Misfits se sont présentés comme elles se présentent dans la chanson aussi. Spoiler! Oh, spoilers! Là, c'est pas grave, je vais l'écrire dans le post. Oui, il faut que tu mettes des spoilers en net. Part 2. Mais oui, ils ont utilisé leur parole de la chanson de thème pour se présenter dans le film. Ok. Ok, moi j'ai préparé un petit quelque chose. parce que moi j'ai dit sur Facebook que les 5 dernières minutes de Jem et les hologrammes m'avaient donné plus d'émotions conflictuelles que les 5 dernières minutes de n'importe quel film, incluant I Spit on Your Grave. C'est ces 5 dernières minutes qui m'ont donné plein d'émotions contraires. Et là, pour vous donner une idée de comment je me suis senti, vous qui, à la maison, qui êtes en train d'écouter ce podcast, et vous, mes chers collègues, qui n'avez peut-être pas été fan de Jem, imaginez-vous 30 secondes là, que vous allez voir un film de Spider-Man. Vous allez voir Spider-Man, puis là, Peter Parker, il passe tout le film à trouver ça difficile d'être photographe. Puis il y a Mary Jane qui est là, puis là, il la regarde, puis là, tu sais, il y a comme une histoire d'amour, mais en même temps, c'est difficile d'être photographe. Puis là, vers la fin, il se fait piquer par une araignée, puis là, il fait « Hey, j'ai des fils d'araignée qui sortent de mes poignets, c'est donc bien drôle, je pourrais faire des affaires cool avec ça. » Puis là, à la toute fin, t'as Venom qui arrive, puis là... Tu sais, Venom, c'est comme le... avec. Puis là, il arrive. Puis là, il sort de... Puis là, tu capotes parce que c'est Venom. Puis là, il sort de l'ombre. Puis là, c'est Venom joué par Heath Ledger, mettons. Tu sais, le casting de malade mental là, qui se peut pas. Puis là, tu dis, oh my God, c'est donc bien cool. Puis là, le vieil homme, il dit, haha, je vais, oh mon Dieu, tu n'as pas été gentil avec moi, je vais me battre avec toi. Peut-être dans la suite, si ça existe. Puis là, c'est... attends, ça finit de même. Tu sais que tu viens de comparer Keisha à Heath Ledger, là. Mais, attends, là, attends, sérieux, là. Si tu m'avais demandé, si les producteurs du film Jamie des Hologrammes m'avaient demandé qui tu verrais dans le rôle de Pezaz, j'aurais pas dit que ça. Pourquoi? Parce que je suis pas assez intelligent pour avoir une idée de génie de même. C'est à ce point-là, bon, comme idée. Moi aussi, j'ai trouvé ça bon. Mental. J'ai trouvé ça très bon aussi. C'était-tu après le générique? Oui. Okay, ben, si milieu de générique. Ok, on l'a pas vu, nous, on est partis avant. Vous avez pas vu les Misfits? Non. What? Misfits? Non! On est parti. On est parti, ben il y avait l'écriture, puis on était serré dans le temps, on était pris parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de trafic, puis il fallait aller chercher le petit à la garderie, puis moi, j'étais super contente de sortir de la salle de cinéma. C'est pour ça que tout le monde restait assis dans la salle. Ouais, tout le monde est resté assis, nous autres, c'est la scène Marvel du film, tu sais. Ben, vous avez manqué le meilleur du film. Sylvain, tu me prends au dépourvu. Parce que nous autres, on passait, parce que moi, quand le film, la... Quoi? Tu quoi? C'est quoi tu vas dire? Laisse faire, là, t'as l'air comme si t'étais me frapper, fait que continue de parler. C'est quoi t'allais dire, le truc que je pensais que Sylvain, c'est ça qui l'avait choqué? Ben là, je sais plus de quoi tu parles, fait que okay, je suis perdu. Ben moi, je pensais pas que c'était ça, ton truc de 5 minutes de statut, Sylvain. Moi, en fait, je pensais que qu'est-ce qui t'avait au plus haut point choqué, c'est que le gars, il a l'air d'avoir 30 ans, puis la fille a 16 ans, puis à la fin, ils s'embrassent, puis ils vont sortir ensemble. Non, mais c'est vrai que je trouvais qu'il convenait plus à Jennifer Lopez qu'à mais écoute, j'étais correct, je vivais bien avec ça. Non, ouais. Non, moi, c'est cette fin-là avec les Misfits, puis là, je me dis, puis là, ils capotent, puis là, ils sont là. Oh, ouais, il dit, que ça, écoute, que ça en Pezaz qui dit, « Our songs are better, we're gonna get her. » Écoute, ma tête a explosé, puis là, je me suis dit, « Wow, c'est donc bien le fun! » Et en même temps, je me suis dit, « It could have been that all along! » Ça ben, aurait pu ça. Être tout ça, le film! On est sorti... À fond, on a manqué la meilleure scène. On c'est ça, avec... ça, mais ça! On était avec, avec notre ami qui est fan, qui est critique, puis qui est un gros, gros fan de Jem aussi. Il collectionne les comics de Jem, puis tout. Puis il dit « Merde, je la veux, cette suite-là. C'est le film que ça serait le film qu'on voudrait avoir, mais on l'aura probablement pas à cause mais des... Non. À cause des salles vides, tu sais. C'est le film qu'on veut voir. C'est ça qu'il aurait dû faire tout le long. C'est ça que je disais. Je comprends pas pourquoi ils ont fait plein de sous-intrigues. Puis ça, je disais à Steven, pourquoi ils se sont tant cassés la tête qu'il aurait pu juste faire un peu le même principe, comme étant donné que le gars, il a déjà fait des films de step-up. Tu fais le même principe de deux rivales. Tu crées les Misfits. C'est le film que tout le monde veut voir. Quand même bien que tu mets pas Synergy, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Mais au moins, t'as une intrigue qui est l'intrigue que le monde veut voir. C'était pop, c'est ça que c'est. Là. C'est toujours deux gangs rivales, puis ils se pognent jusqu'à la fin, puis à la fin, les gentils, ils gagnent. Il aurait pu juste faire ça, version Jem, puis ça aurait marché 100 fois mieux. C'est parce que, tu sais, ils auraient pas avoir deux options. T'as eu les critiques qui ont parlé du film, puis qu'il y en a qui défendent le film comme GF. Je dis pas que ça va être ça ton opinion, GF, mais qui disent que faire une bonne adaptation de Jem, ça aurait été trop kitsch, puis c'était pratiquement pas possible à faire. Tu sais, ils auraient pu faire un film de CT des années 80, puis y aller à fond dans le kitsch, puis vraiment faire de quoi de fidèle, puis vraiment faire quelque chose d'identique à la série. Mais eux, ils hésitaient entre les deux, puis ils ont décidé d'y aller avec quelque chose de plus réaliste, de plus convenu, qui pourrait avoir plus de chances de plaire à un public jeune, tandis que le film nostalgique années 80 qui aurait fait capoter les fans aurait peut-être justement déplu aux jeunes qui n'auraient pas été attirés par ça. Non, mais s'il aurait fait un peu comme... pour ça que je prenais l'exemple de Step Up, ça aurait été la même chose, mais au lieu d'être des batailles de danse, ça aurait été des batailles de musique, ça aurait plu aux fans parce que ça aurait été Jem versus les Misfits, puis ça aurait plu aux jeunes parce que c'est le même concept de film de jeunes comme Step Up que les autres aiment, puis les autres dance, whatever, puis toutes ces affaires-là, mais version musique. Écoute, Chantal, j'avais pas pensé à cette idée-là pantoute, mais je suis complètement d'accord avec toi. Ça aurait été déjà plus satisfaisant pour à la fois la nouvelle génération et la génération qui a connu Jem, tu sais. Il aurait dû m'engager. Où mon chèque? Je pense que je suis d'accord avec tout ça, mais tu sais, par rapport à ce qu'on a là présentement dans les salles, moi j'aime beaucoup, comme je me répète encore, j'aime beaucoup le côté réaliste, YouTube, tout ça du film. Je trouve que la finale, qui arrive un peu comme une scène de Marvel, puis qui est faite sous ce modèle-là, avec on imagine un peu Samuel L. Jackson aller recruter les Avengers, mais on voit Juliette Lewis dans une ruelle sombre qui va chercher les Misfits. Puis je trouve que là, si on a cette suite-là, je vais aller la voir immédiatement au cinéma, puis ça arrivera jamais, on s'en doute. Mais si c'était pour se faire, j'irais la voir. Mais en même temps, là, ce serait le film cartoon que je... C'est ça, je sais pas. Il perdrait tout son côté réaliste, ça serait vraiment plus cartoon avec les Misfits. Encore là, j'arrive pas à voir comment est-ce qu'il arriverait à concilier ces deux styles-là. Fait que je pense qu'il faudrait qu'il en laisse tomber un au profit de l'autre. Puis là, ça deviendrait vraiment plus cartoon, je pense, le deuxième film. Ça plairait aux fans de la première heure, mais là, on perdrait ceux qui ont aimé le film en tant que tel. Le film, comme il est là, s'il était juste réaliste, ça serait vraiment pas besoin de s'appeler Jem, c'est d'autres choses. Moi, c'est ça que j'ai aimé, en fait, parce que je suis pas assez fan de Jem originalement pour... c'est pour ça que j'ai aimé cet aspect-là du film. T'sais. Ça, c'est un truc qui m'a un peu gossé dans certaines des critiques que j'ai vues qui défendaient le film, qui disaient... Le film, je le trouve sympathique, mais c'est pas du tout comme le cartoon. Et Dieu merci, franchement, qui voudrait ça? Je m'excuse, mais je comprends que les gens, que des gens vont apprécier le film et que des gens n'ont pas nécessairement apprécié le cartoon à l'origine. Fais juste l'appeler autrement. Si tu l'appelles Jem et les hologrammes, tu m'appelles moi, tu brises le rêve que moi j'avais de voir un live action de Jem et des hologrammes, parce que c'est pas ça que j'ai eu. Tu sais, puis pour moi, c'est un défaut. Mais c'est son défaut que ce soit. Ben, que ce soit pas Jem, que ce soit autre chose. C'est son gros problème. T'sais, il sait juste pas à qui s'adresser parce qu'il est obligé de s'adresser à deux publics complètement différents. T'sais. Puis c'est même pas. Mais il était pas obligé. C'est ça l'affaire. Comme... Il aurait pu s'adresser aux jeunes quand même. Là. Il aurait pu s'adresser aux jeunes qui ont jamais vu. Oui, il aurait pu juste ne pas. C'est parce que le monde est mis. C'est ça, là, c'est un gros défaut de l'industrie en ce moment de Hollywood. Ils font bien des remakes qui vont changer les films. Ils font bien des adaptations comme ça, puis ils changent tout au complet pour essayer d'aller chercher ces jeunes-là qui, à la base, s'en calissent. Le monde qui veut aller au cinéma, souvent, c'est les fans de cinéma ou c'est les fans de ce qu'ils ont à offrir. Dans ce cas-là, de dire que, mettons, c'est comme s'ils disaient, ben, si on avait fait Jem comme c'était supposé d'être, on n'aurait pas fait d'argent, ce qui est totalement faux. Les Comic-Con et compagnie, ça n'existerait même pas aujourd'hui si ce n'était pas de nous autres qui est fatigué avec notre nostalgie qui ne veut pas partir. On est prêt à donner n'importe quel montant d'argent juste pour revivre un petit peu de cette nostalgie-là qu'on a par rapport à nos vieilles affaires. Fait que dans le fond, l'argent aurait été là. Puis il y en a des critiques qui l'ont dit que ça... du monde, comme moi ou d'autres mondes, qui seraient arrivés là avec leur t-shirt de Jem, en cosplay, déguisé, prêt à avoir du fun, avec des pancartes, let's go. Puis c'est vrai que ça fait ça, parce que quand ils ont finalement sorti, c'est pas un bon exemple en termes de bon film, mais quand ils ont sorti Freddy vs. Jason, ce film-là, ils l'annonçaient depuis que j'avais 13 ans. Mm-hmm. Et quand il est sorti, la salle, tout le monde était déguisé, tout le monde criait, il y avait des masques, il y avait des gants de Freddy, des masques de Jason, des t-shirts rayés. La salle était pleine, là. Puis c'est pas nécessairement un bon film. Non, là, mais ça répondait quand même aux attentes. Ça répond aux exactement. Attentes. Fait que s'il aurait fait ça avec Jem, c'est ce qui serait arrivé. Les comme moi, qui sont comme « Yeah, mon passé revient un tout petit peu! » On se serait tous garochés pour aller le voir. Puis peut-être même plus qu'une fois. Si ça aurait été, comme je disais tantôt, avec Jem et les Misfits, je te garantis que Sylvain ne serait pas allé qu'une fois à le voir, là. Ah non, mais c'est sûr. C'est ça. Quand je dis « sont obligés », ce que je voulais dire, en fait, puis, je pense que le scénariste, je le connais pas, il s'appelle Ryan quelque chose, Ryan Landell, je le connais pas. Je pense qu'il était un peu poigné avec son réalisateur, John Chu. Ils sont tous les deux un petit peu poignés avec les demandes des studios. Je ne sais pas à qui est la faute exactement. J'ai l'impression que Blumhouse devait vouloir faire un film plus intimiste, quelque chose comme ça. Puis Universal, qui est l'autre producteur, ont peut-être voulu avoir quelque chose de plus près des jeunes et moins, tu sais, jeunes actuels, avec la musique actuelle et tout ça. Puis je me dis, ils ont voulu, tu sais, caster une jeune fille qui va devenir une nouvelle vedette de la musique, tu sais, et des trucs comme ça, en disant, ben, on va essayer de plaire à un public adolescent, jeune, en qui connaissent pas la série. Fait qu'il faut trouver une manière de les intéresser à cette property-là, tu sais, qui est Gem et les hologrammes, qui vieille de 30 ans, puis qui... C'est de jongler avec tout ça, tout en essayant de... Mais c'est que je vois pas le but de ramener de quoi, de montant, si c'est pas pour être pour moi. Tu sais, c'est comme New Kids on the Block font encore des shows. C'est pas pour les jeunes. Non, c'est ça, mais tu sais... Je suis pas sûre. Tu sais, il y a eu des vieilles franchises qui ont été réadaptées. Tu sais, moi, je pensais à Batman. Quand ils ont commencé à faire des longs-métrages de Batman dans les années 90, les références précédentes, ben, c'était le vieux Batman des années 60 avec Adam West puis son petit suit moche. Puis ça s'adressait aux fans de Batman de la première heure, mais je veux dire, moi, je me souviens qu'à mon école, tous les petits gars, il y avait des t-shirts de Batman, puis ils vendaient des bébelles de Batman pour les enfants. Ça a super bien marché. En même temps, tu regardes les comics de Batman, puis tu as différentes incarnations de Batman. C'est ça. Ça peut être adapté de différentes manières. C'est ça, Batman. C'est parce que ça suit les comic books, en fait. Selon les auteurs et les dessinateurs, ça change. C'est ça. Fait que les films suivent... plus les comic books, en fait, dépendamment, ils sont rendus où. Tu sais, comme dans les années 90, c'était beaucoup de Killing Joke, fait que c'est pour ça que ça ressemblait à ça. Puis après ça, ben c'est les séries de Arkham qui ont commencé à vendre. Puis Chris comme Nolan... Comme le Joker de Suicide Squad, qui va sortir bientôt, va être complètement différent de celui de Heath Ledger, mais il est basé sur quelque chose qui existait déjà, tu sais. C'est ça, exactement. Fait que ça se compare un peu moins bien, parce que Jim... Jim est plus uniforme dans... C'est ça, parce que ça a existé pendant une période, puis ça l'a arrêté là. Mais Jim, il y a des comic books de Jim, par exemple. Oui, mais je peux pas aller là, mettons, au comic book shop, puis dire « je veux le dernier numéro de Jem », ils vont me le donner, mais il date des années 80. Ben, je suis pas sûr, notre ami qui est avec nous autres dit qu'il en sort encore, puis il collectionne en ce moment. Ah, il en font... Ben moi, j'en ai jamais vu, ou ce que je vois. Je vais m'informer auprès de lui, mais je pense que... Mais c'est le nom, je comprends pas la crainte des producteurs ou de tous ceux qui décident de partir un projet. Quand tu décides de faire un film ou une suite ou un remake de quelque chose qui a déjà une fanbase gigantesque, il y a beaucoup de fans nostalgiques, je veux dire... Au rendez-vous, c'est sûr que tu vas avoir du monde, c'est sûr que ton film va marcher si tu vas chercher les attentes des fans. Oui. Tu sais, je veux dire, en ce moment, là, qu'est-ce qui a le plus cartonné au cinéma cette année? C'est Jurassic World. Pourquoi? Parce qu'ils ont quasiment fait un copier-coller du premier film, puis ils ont offert ce que les fans voulaient. C'est pas un film parfait, c'est pas le meilleur film que j'ai vu cette année, mais en tant que fan de Jurassic Park 1, quand j'ai été le voir au cinéma, j'ai eu ce que je m'attendais de voir d'une vraie suite de Jurassic Park, puis ils ont pas... T'sais, ils n'ont pas donné de la bullshit, ils ont fait ce que le monde voulait en tant que tel. Puis je veux dire, c'est ça qu'ils auraient dû faire avec Jem et les hologrammes. Le film aurait... T'sais, je comprends pas comment ils peuvent avoir peur que le film marche pas. Je veux dire, il y a tellement de fans à la base d'un projet original qui auraient pareil été au rendez-vous. Si les premières critiques seraient sorties puis tout le monde aurait dit « c'est comme la série, c'est débile », ça aurait été du bouche à oreille puis tous les fans auraient été le voir directement au cinéma. Là, tandis que les critiques sont tachées, il y a pratiquement... aucun fan qui a été le voir, à part nous autres, parce que moi, je suis pas fan, mais tu sais, Sylvain, parce qu'on faisait un podcast. Si sinon, je serais pas allé. T'sais, Sylvain, aurais-tu été le voir au cinéma si on n'aurait pas fait de podcast? Honnêtement. Moi, je serais allé le voir, mais c'est parce que je suis malade mental. Mais, tu sais, les films sont pas faits par les auteurs, comme, mettons, dans les films américains des années 70, qui étaient, tu sais, les Woody Allen, Coppola, tout ça, Scorsese, c'était les auteurs qui écrivaient puis qui avaient le contrôle total. Les films sont faits par comité maintenant, tu sais, c'est différents studios qui vont se mettre ensemble, qui vont chicaner, qui vont se tirailler pour dire, nous, on devrait faire ci, on devrait faire ça, tu sais, le film devrait être de telle manière ou de telle manière, puis tout le monde va essayer de trouver des compromis, puis ils sont très, très frileux par rapport au public, je crois. Moi, c'est ma vision des choses, peut-être que je me trompe totalement, mais j'ai l'impression que, tu sais, tu peux pas arriver avec un produit vraiment intéressant comme ça par comité de même, par... Moindrement qu'il y a un gros nom d'impliqué, là, t'es sûr que ça chie. Ouais, là, quand c'est des affaires de même. Là, c'est Universal. Je pense que Jason Blum est vraiment plus près des auteurs et plus prêt à donner de la chance aux auteurs. Mais il était pris avec Universal, je crois, pour faire quelque chose de conjoint. Puis c'est là que le problème il est. Parce que si c'était juste Blumhouse, ça serait peut-être plus intéressant un peu à la Whiplash. Ça serait peut-être plus focusé. Peut-être qu'il aurait été même plus près du dessin animé, je sais pas. Ben, tu vois justement que le film n'est pas plus du côté de Blumhouse pour la simple raison qu'il a été dans une salle de cinéma alors que les dernières productions de Blumhouse se sont toutes retrouvées sur VOD, sur iTunes. Ouais. Mais là, c'est Universal, ils l'ont sorti au cinéma. Ouais, mais non. Monkey Bird, c'était Blumhouse puis distribué par Universal. Ça directement en DVD puis VOD. OK. Ben, le dernier Paranormal Activity, je l'ai vu au cinéma. Ouais, puis ils sont sortis en même temps les deux, puis c'était des flops tous les deux. Ouais. Mais Paranormal Activity, pour faire une parenthèse, je pense que la raison pour laquelle c'est un flop, c'est que c'est trop peu, trop tard. Là. Ça oui. fait trop longtemps qu'on a lâché cette série-là. Là. Oui. T'sais. Mais bon, ça c'est autre chose. Fait que, ben, je voulais revenir sur un défaut oui. qui m'avait beaucoup gêné. C'était un des défauts principaux que j'avais noté. Toute l'histoire principale est racontée par Jem à travers une vidéo qu'il a fait. Et moi, ça me rappelait identiquement Easy A. Je trouvais que c'était la même, ouais. c'était fait de la même manière avec le même but. Et à la fin du film, lorsqu'on arrive finalement à la fin de sa vidéo, qu'elle a pris quoi, 2h30 ou sinon plus à faire, elle fait juste déniter puis faire comme si elle avait tout fait ça pour rien. Puis ça me fait chier. Je suis comme, t'étais pas obligé de me raconter ton film de cette manière-là si t'assumais pas de l'intérêt de vouloir faire une narration à la Easy A. Je trouvais ça complètement du foutage de gueule. Ah, c'est un peu bizarre. Oui, puis elle en enregistre une autre vidéo après, il me semble. Après, c'est directement le show parce qu'elle décide de l'annoncer au show au lieu d'envoyer le vidéo en ligne. Mais elle fait pas genre un bye-bye à la caméra à la fin, non? En tout cas, je sais pas, il me semble. Elle invite ses amis, puis ils font tout coucou à la caméra, puis ils décident finalement de dire oh, bon, on va l'annoncer au show à la place, puis ils font bye-bye à la caméra, mais ils délitent la vidéo. Ouais, mais moi, ça m'avait doublement insulté parce qu'il me semblait qu'elle rallume la caméra. Mais regarde, il faudrait que je le revoie. Ouais. Mais il me semble qu'après avoir délité la première vidéo, elle en fait une deuxième à un moment donné. C'est trop vague. Il faudrait la revoir. Moi, j'ai un petit point à soulever, puis c'est parce que je connais pas assez bien la série. Tout l'aspect holographique de la série puis du film, moi, j'aime plus ça dans le film, puis c'est un gros blasphème que je dis là, parce que je trouve que ça fait plus de sens, parce que j'ai jamais compris exactement comment ça fonctionnait dans la série. Quand elle chante dans la série, puis qu'elle fait ses hologrammes, tu sais, un hologramme, là, selon moi, il faut que tu l'enregistres d'avance ou il faut que tu projettes quelque chose qui est déjà enregistré, comme on voit dans le film. Elle est cachée où? Elle est cachée derrière une colonne backstage, puis là, c'est qu'est-ce qui se passe exactement? Non, là? Moi, j'ai l'explication de ça. Oui, moi, c'est que, tu sais, dans l'inspecteur Gadget, là, ouais. t'avais, comment elle s'appelait, Daphné, je pense, la nièce de l'inspecteur Gadget, qui avait un gros livre. Puis le livre, il y avait toutes les informations, puis il pouvait faire n'importe quoi. Dans Synergie, c'est ça. Elle fait n'importe quoi. C'est une super-héroïne. Elle a Synergie, elle est capable de faire n'importe quoi. Mais ça veut dire que j'ai. Artificielle. Mais ça veut dire que Jerika n'a aucun talent. Elle a du talent, mais. Et comme dans la série, c'est elle qui est présidente de la compagnie, je pense que c'est comme un peu pour pouvoir se permettre d'être une star. Sans compromettre son rôle de présidente de la compagnie de disques. Mais c'est pas elle qui chante, c'est cette création-là en 3D. Non, c'est elle. Quand elle fait « di-di-di » avec ses boucles d'oreilles, c'est parce que ça la déguise, mais c'est encore elle. Le seul temps qu'elle a un « L » en hologramme, c'est quand, mettons, exemple, quelqu'un va venir pour aller, va dire « Ah, oh, faut que j'aille parler à Jerika », puis là, elle est occupée parce qu'elle est déjà en jam, puis il faut qu'ils soient les deux là en même temps. Ben là, Synergie fait apparaître un hologramme puis parle comme à sa place si on veut. Là. Mais c'est ça, moi ça fait pas de sens dans ma tête parce qu'un hologramme pour moi c'est quelque chose que t'as pré-enregistré comme la princesse Leia avec R2-D2. Ouais, mais JF, comment tu peux écouter cette série-là pis à dire que ça fait pas de sens face mais non, à mais ce que, tout ce que, le restant de la série? Ce que je dis, c'est justement c'est que le film fait plus de sens parce que le film c'est un message pré-enregistré exactement comme la princesse Leia. Elle a son message pour Obi-Wan Kenobi, tu sais, c'est exactement ça. Oui, parce que ça. Le film, c'est dans un contexte réaliste. La série, il n'y a rien de réaliste, tout est over the top. Y a ben justement, c'est ça que je dis, c'est pour ça que je défends le film. Le film fait plus de sens pour moi dans l'aspect holographique, parce que pour moi, un hologramme, en tout cas, je ne connais rien de la science de tout ça, mais je me dis c'est plus une projection 3D de quelque chose que tu as déjà enregistré, tu sais. Ouais, mais tu sais, moi, je trouve qu'il y a des gnomes, des gnomes, puis des hobbits, puis des elfes, ça fait pas beaucoup de sens. Puis le retour du roi, ça a quand même gagné plein d'Oscars. Exactement. Ouais, mais de toute façon, je comprends ton point, Jeff, mais pour moi, c'est vraiment pas un problème. Moi, de la manière que je vois ça, c'est que dans la série de dessins animés, dire Synergie, c'est comme juste une manière de représenter une espèce de super pouvoir que Jem a de se dédoubler, puis d'être à la fois Jerika et Jem. Mais ils ont appelé ça un hologramme, probablement parce que dans les années 80, il n'y a pas grand monde qui savait exactement ce que c'était, puis c'était pour des enfants, puis c'était pas bien grave. Tu te rappelles-tu quand on avait des fois dans les céréales, t'avais une petite image holographique, là, tu te promènes un peu, puis tu te la tasses, puis ça fait d'autres choses. Là, c'est... Puis de toute façon, comme le disait Sylvain, le petit robot s'appelle Synergy, mais à part de ça, il n'y a pas de conscience, c'est pas une intelligence artificielle, c'est juste un petit robot qui a été pré-enregistré avec plein de données. R2D2. Oui. Ouais, non, R2D2 est capable de réagir. Honnêtement, je l'aurais enlevé le robot, moi, du film. Là. Je pense que ça aurait vraiment... Le robot nuit au film. Synergie nuit au film de Jem et les hologrammes. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais, mais voilà, je l'ai dit. Ben, il nuit au film comme Juliette Lewis. Pas Juliette Lewis, mais son personnage nuit à tout le côté réaliste du film. T'sais, c'est pour ça que le robot en tant que tel ne m'a pas dérangé. Je le trouvais cute, mais t'sais, il fit pas dans le film. Comme je disais au début du podcast, le personnage de Juliette Lewis ne fit pas, selon moi, dans le ton du reste du film. T'sais. Mais je comprends ton point, mais moi, j'aurais pris toutes des Juliette Lewis. Ouais. J'aurais mis tous les personnages aussi over the top. Ouais. Mais je suis certain qu'ils ont rajouté à la dernière minute le robot juste à cause que le titre, c'est James et les hologrammes, parce que tout le long du film, là, ils n'ont aucun mal à dire que c'est juste James. À chaque fois que le show est présenté, c'est « Voici James ». C'est jamais James et les hologrammes. C'est juste à la fin, lorsque le gars voit le robot, il est comme « OK, on va le plugger. » James et les hologrammes. Puis comment vous sentez par rapport au fait que c'est justement lui qui nomme le groupe des filles sans l'accord des filles ou quoi que ce soit? Ben, moi, je trouvais ça drôle dans le show parce que ce qu'on n'a pas expliqué dans le cartoon, c'est que c'est Jerrica qui trouve Synergy, un super ordinateur qui est capable de tout faire à partir des boucles d'oreilles de Jerrica. Et donc, c'est elle qui fait tout. Et elle crée des hologrammes et tout ça. Mais elle prévient Jerrica, elle lui dit « Le pouvoir des hologrammes ne doivent pas être remis entre les mauvaises mains parce que entre les mauvaises mains, ça pourrait créer le chaos. Donc, l'identité des hologrammes doivent rester secrète. » Alors, Jerrica a décidé d'appeler son groupe « Jem et les hologrammes ». Tu sais, ça fait zéro sens, mais c'est correct. On l'aime, Jem. Oui. Oui, c'est un super bon choix pour être sûr que jamais personne ne va lui poser de questions sur pourquoi son groupe s'appelle « Jem et les hologrammes ». C'est comme si Bruce Wayne avait décidé de s'appeler « Bat Wayne Man ». Mais bon, c'est correct, là. Un autre petit point sur lequel je voulais avoir votre opinion. Qu'est-ce que vous pensez de la façon qu'ont les sœurs de se refocusser en chantant? Ça, c'est une autre scène qui sort de nulle part. Autant le moment où le groupe se sépare, ça arrive sur complètement de nulle part, ça arrive beaucoup trop vite. Autant quand ils se réconcilient, ça sort encore une fois de nulle part, ça arrive beaucoup trop vite. On dirait que ça fait 5 minutes, alors que peut-être dans l'histoire, ça fait une couple de jours, mais on dirait pas. Exactement. Il y a un gros problème dans le temps dans ce film-là. Mais ça me fait rire que là, ils vont faire le petit truc de chanter à l'unisson pour se refocusser. Puis tu sais, on les avait vus faire au début, puis on les revoit faire là, puis on trouve ça tout un peu ringard, tu sais, en tant que spectateur. Puis là, t'as Rio qui fait « OK, that was weird ». Ça me fait rire, tu sais. Oui, puis c'est aussi juste en face d'une maison où est-ce que tu vois qu'il y a du monde qui sont dans la pièce d'en avant. Moi, je me disais, on va voir quelqu'un sortir de la maison pour leur dire « Telle! » « Connaissez votre cœur! » Mais c'est drôle, vous oubliez un personnage important du film. Personne n'en parle. C'est comme s'il servait à rien, mais Zipper dans Zipper. Tout ça. Ah, Zipper, je respecte. Mais sérieux, pour revenir à la scène dont tu parlais, moi, encore une fois, j'ai trouvé que ça faisait très Jem. De la fille, elle est triste, les autres sont partis, tout ça, parce que dans le show, il y avait ça aussi, là, il y avait des conflits dans le groupe, il y en avait une qui partait devenir designer dans une compagnie, puis finalement, elle revenait. Tu sais, il y avait des chicanes dans le groupe à l'occasion. Puis ça, ils se réunissaient souvent comme ça, genre, Jem est à quelque part. Ah, comme par hasard, Kimber arrive. Ah, comme par hasard, les deux autres arrivent. Ah, comme par hasard, Rio est là. Tu sais, ça m'a vraiment fait rire, puis ça m'a rappelé un peu l'esprit de la série. Honnêtement, je pensais pas me souvenir autant de, d'éléments de la série en regardant ce film-là d'après la bande-annonce. Moi, je pensais que d'après la bande-annonce, je pensais que j'allais voir un film complètement ailleurs. Oui, il y avait un petit robot qui s'appelait Synergie. Oui, il allait avoir peut-être une ou deux phrases typiques sorties du cartoon. Mais finalement, non, je trouve qu'il y a quand même des moments qui m'ont rappelé l'univers de la série. Et c'est pour une ça bonne que ou une mauvaise chose? Ben, c'est pour ça que je ne l'ai pas tant détesté. Je trouve pas que c'est un... Je déteste pas le film. Je trouve pas que c'est nécessairement un bon film. Je trouve que c'est un film quand même agréable à regarder. Puis pour moi, qui est vraiment fan de la série, je vais quand même le revoir, le film. Puis tu sais, je vais sourire aux références qu'il y a. J'ai aimé ça, voir la voix, la dame qui fait la voix originale de Jem, dire « Ah, le rose est ma couleur préférée! Oui. » Des trucs comme ça. Des clins d'œil. Il y a beaucoup de... Ah, puis juste pour Juliette Lewis, ça vaut la peine de le revoir, le film. Mais il y a aussi beaucoup de clins d'œil, beaucoup de... Même si je trouve ça hyper... Glitter, fashion... Peux-tu répéter moi, la dernière chose que tu as dit? Je t'ai comme perdu. Ah, excuse-moi. Mais tu sais... Tu as trouvé ça hyper... Même si c'est hyper ringard, j'aime ça revoir Rio dire glamour, glitter, fashion, ouais. Fame. Tu sais, j'aime ça. J'aime ça entendre les filles dire truly outrageous, même si ça fait pas de sens. Je regrette que Rio n'ait pas. Ah oui, il y a un petit truc, le Rio, qui a les cheveux mauves dans la série. À un moment donné, Jem se perd là, sur une île déserte, genre à la Gilligan Island, puis Rio les cherche, il est sur son bateau, puis il les cherche, puis ça dure plusieurs jours, donc sa barbe pousse, parce qu'il prend pas le temps de se raser, sa barbe pousse mauve. Donc, il est mauve naturel. J'ai vraiment trouvé ça plate que Rio n'ait pas les cheveux mauves dans mais bon, mais même pas, tu sais, Même pas pour tout le film, juste comme une scène, genre pendant que Jem se teint les cheveux roses, et lui, il pourrait se regarder 30 secondes en miroir, essayer une perruque mauve. Ah, ouais, non, c'est pas pour moi, ou peu importe, tu sais. Je trouve ça peut-être qu'il n'y a pas de référence à ça, mais bon, il y a plein de choses à faire référence, et malheureusement, de toute façon, on parle d'un film où, sur Jem, dans lequel les Misfits sont à peine présentes, donc. Fait que, ben, on va faire le tour de tout le monde, savoir l'opinion. Tu viens de donner la tienne. Je vais te demander une dernière chose, Sylvain, par rapport à ça. Si, mettons, on faisait pas une entorse, mais on prenait un peu le système d'Horror Gamer avec en disant est-ce qu'on recommande une location, un achat, un Collector's Edition, Netflix, des trucs comme ça, ou la bine à 5$, qu'est-ce que tu recommanderais, toi, par rapport à ce film-là? Moi, je le recommande absolument pas. Okay. Moi, je pense que tout le monde devrait l'éviter, puis à quelque part, je suis content. Et je comprends pourquoi ça a tanké comme ça au cinéma, entre guillemets. Mais je comprends pourquoi c'est un aussi gros flop. Et à quelque part, je suis content que ce soit un flop parce que c'est absolument pas le genre de film qu'on devait faire avec cette franchise-là. Ceci étant dit, moi, je vais m'acheter le DVD. D'accord. Chantal, je sais que t'as pas aimé. C'est quoi ton opinion en général du film? En gros, je veux dire, l'opinion globale. Moi, je l'ai pas aimé. Je sais qu'on va l'avoir, puis ça sera pas à cause de moi, ça va être parce que Steven y achète tout. Parce que moi, je l'achèterais pas. Même s'il serait 5$, je me dirais, je peux m'acheter un Doritos avec ce 5$. Fait, moi, je l'ai vraiment pas aimé. Pour vrai, là, je me suis vraiment emmerdée dans ce film-là. Puis je suis partie trop vite. Fait, j'étais trop contente de m'en aller, puis fallait se dépêcher pour aller chercher le petit, puis tout. Fait que j'ai pas vu les Misfits pas en tout. Hey, c'est ça une bonne raison de revoir le film? Non. Non, je vais juste aller directement voir la scène à la fin, puis c'est tout, là. Je vais pas me retaper tout ça, c'est pas vrai, là. J'ai juste pas aimé le film, puis même quand j'ai sorti, j'ai texté ma soeur qui planifiait pas d'aller le voir de toute façon, mais je lui ai carrément dit « Écoute-les pas ». Parce que elle était comme pire, là, peut-être que je vais attendre mais qu'ils jouent à la télé, mais tu sais quand il y a rien là, puis que pour une raison X t'écoutes un film à la télé, ce que plus grand monde font maintenant là, au pire là tu peux l'écouter avec les annonces, puis là dans les annonces tu peux le mettre à un autre poste pour écouter de quoi de meilleur. Je l'ai vraiment pas aimé. Pendant le film, tu regardes de quoi de meilleur, puis quand c'est les annonces, tu reviens là. Tu reviens au film. Moi, tout le monde le sait, je fais pas de top mauvais film. J'en faisais déjà, puis à un moment donné, j'ai arrêté d'en faire parce que c'est un principe que j'aime pas. Parce que même dans le cas de Jem, mettons que j'en ferais un cette année, il serait dedans. Là. Il serait dans mon top 5 des pires films de l'année, c'est sûr. Okay. Mais malgré ça, je me sens tout le temps mal, pareil, pour les réalisateurs, parce que je sais que souvent, c'est des trucs qui sont hors de leur contrôle. C'est pour ça que moi, je fais plus de top mauvais films, parce que je veux pas, comme... Même la personne qui a réalisé ce film-là, il y a bien des choses qui étaient hors de son contrôle. Il y avait les mains liées sur bien des aspects, puis veux pas, tu sors un film, t'espères pour le mieux, ça plante, ça te tombe sur la tomate, que ce soit de la faute du scénariste, que ce soit de la faute de qui ça voudra, ça tombe sur la tête du réalisateur. C'est un peu plate, mais ça fait partie de la game, comme on dit. Oui, puis c'est ridicule. Il y a eu des menaces de mort des fans de Jem. Exactement. Fait que j'irai pas jusque-là, mais mettons hypothétiquement que je ferais un top mauvais film, c'est sûr qu'il serait dedans. Okay. C'est dans les pires films que j'ai vus cette année. Mais il y a juste un petit truc que j'avais oublié de dire, c'est que, tu sais, on parle... Moi, quand j'avais éclaté en sanglots partout sur les internets, à la vue de la bande-annonce, je comprends comme toi, par exemple, Jean-François, pas longtemps après, t'es sorti, t'as dit, ils vont faire un remake de Das Boot, puis pour moi, ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais... Quand les studios font des remakes de films, on se dit tout le temps, oui, tu peux retourner au film original, tu peux toujours revoir l'original, puis tu sais, c'est correct, ça va pas enlever le bon poids et le bon, finalement, du film original. Mais l'affaire avec Jem, c'est que on n'en a jamais eu de live action de Jem. Puis malheureusement, à cause que le film tank, puis tu sais, j'ai dit que j'étais content que le film était un flop, mais en même temps, voir la suite, premièrement, mais j'aurais voulu voir un bon film de Jem, puis je l'aurais pas parce que ça a floppé. Puis c'est ça l'affaire, c'est que moi je suis en deuil, je suis pas en deuil d'un bon remake de Jem, je suis en deuil d'une version live action que j'aurais jamais, tu sais. Ok. Caroline? Mon opinion en général, ben écoute, pour moi Jem c'est quelque chose qui est entre Cendrillon bien ordinaire, puis The Apple. Cendrillon parce que c'est comme le conte de fées de tout le monde qui se filme, qui met ça en ligne puis qui aimerait ça devenir célèbre un jour mais qui a pas le guts ou qui fait pas plus que de se filmer puis de se mettre sur internet. Puis The Apple parce que c'est la grosse méchante compagnie de disques qui sépare les gens. Est-ce que je recommanderais le film? Ben je veux dire juste à des gens qui ont pas un attachement trop profond envers la série animée originale. Ceci dit, si on compare Jem, le long-métrage, avec le reste des films grand public qui sortent d'Hollywood, est-ce que c'est plus mauvais que, mettons, Pitch Perfect 2 ou un autre truc du genre, je veux dire... ça mérite peut-être pas d'être... De se faire bâcher comme ça. Là. Non, c'est ça. Je veux dire, je pense pas que. Ben, y a jamais personne qui mérite de menace de mort anyway. Là. Non. Mais, je veux dire, on peut se calmer aussi, puis le prendre pour ce que c'est. Là. Je veux dire, je pense pas que c'est plus mauvais que d'autres trucs comme les Transformers, par exemple, ou d'autres films Hollywood, grand public, que tu te casses pas trop la tête en écoutant ça. Là. Je veux dire, c'est pas. C'est pas non plus... je pense pas que c'est non plus d'une médiocrité si abyssale qu'on devrait l'oublier. Comment? De là à ce que le réalisateur ait des menaces de mort par les fans de Jem. C'est ridicule. C'est très moron, ça. Alors que Pixel a été vraiment mal critiqué. C'est un des pires films cette année qui a été bâché. Il y a aucun fan de Donkey Kong ou Mario Bros. Qui est allé faire des menaces de mort au réalisateur. Non, c'est ça, je veux dire. Non, parce qu'on les avait déjà fait au réalisateur de la Non, mais je suis... Je suis relativement d'accord avec toi, mais l'affaire, c'est que Transformers a connu une version au cinéma en live action que les gens n'ont pas aimé, mais au moins, je suis pas très fan de la franchise de Transformers, ni du cartoon, ni du film, mais je vois quand même qu'il y a plus de corrélation, il y a plus de relation entre les deux que Jem, le cartoon et le film qu'on a vu, tu sais, c'est quand même des robots qui se transforment, alors que là, il n'y a pas d'hologramme, il n'y a pas de misfits, il n'y a pas... Tu sais, c'est un film qui... Je comprends que les fans soient vraiment en colère que ça se soit présenté de cette façon-là. Pas, évidemment, pas de là à faire des menaces de mort, mais tu sais, je comprends la colère, je comprends le boycott, je comprends que les gens ne soient pas allés voir ce film-là. Puis c'est ça. Puis là, j'ai l'impression que j'empiète sur toutes vos opinions. Jean-François, qu'as-tu pensé du film? Ben, je vais aller avec Steven parce que moi, je vais être à l'opposé de tout le monde, je pense. Okay. Vas-y, Steven. Ok, ben moi comme je disais, j'ai aucun attachement à la série, fait que c'était impossible pour moi de détester et avoir la même haine que les gens. J'ai écouté des épisodes, je comprends la déception puis la haine plus ou moins, mais je comprends que le monde ait été vraiment déçu. Mais honnêtement, je pense que je recommande pas le film, mais je recommande le soundtrack parce que les tunes sont fun, sont entraînantes. Je pense que c'est pas mal. Les moments où que dans le film j'arrivais à garder mon attention lorsqu'il y avait un moment musical de scène, mais le film a trop de défauts au niveau scénaristique, et ce qui est plate, c'est que ça aurait pu être à la limite du so bad it's good ou que c'est tellement mauvais qu'on en rit, mais en fait c'est juste très maladroit au point que c'est juste raté, et pas que je m'emmerde, mais c'est juste que je m'en fous parce que c'est trop mal développé. Parce que les 2 heures, j'ai trouvé qu'ils ont quand même passé vite. Là, j'étais comme, OK, moi, c'est quand même déjà fini. Mais c'est pas un bon film. Il y a vraiment. Il y a pas d'identité comme film. Ils ont eu de la misère à assumer dans quelle direction qu'ils voulaient aller. Ce qui fait en sorte que le divertissement est plus ou moins là. J'ai eu plus de fun avec la musique. Fait que je recommande le soundtrack. D'accord. D'accord. Ben, moi, j'irai pas. Je renommerai pas tous les aspects négatifs qu'on a nommés. Vous les avez pas mal toutes soulignés et tout ça. Moi, au contraire, je suis sorti du film, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Je vois tous ses défauts, je vois tous ses problèmes, les problèmes de ton que j'ai souligné, tout ça. Le personnage de Juliette Lewis qui m'a un petit peu tapé sur les nerfs parce qu'il fitait pas que le reste du film. Si ça avait penché dans un sens ou dans l'autre, j'aurais accepté l'aspect cartoonesque au complet ou l'aspect réaliste au complet. Là, il y a un problème de ton. Sinon, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film et moi, je le recommanderais. Peut-être pas pour un achat, pour une location, pour un Netflix, quelque chose comme ça, mais je le recommanderais si j'avais des enfants, si un jour j'en ai, qu'ils soient garçons ou filles, je leur dirais de regarder ce film-là parce qu'il y a un gros message positif. On l'a dit de manière dans le podcast que à la sortie du film, si on est enfant ou ado, on a juste envie d'aller prendre un micro, une guitare, quelque chose, un crayon pour écrire un roman, peu importe, de réaliser notre potentiel. En sortant du film, j'ai dit à Caroline, j'ai dit à notre amie qui est avec nous autres, j'ai dit, ce film-là, ça va être un flop, et dans quelques années, ça pourrait devenir un genre de Rocky Horror Picture Show, en moins gros peut-être, mais ça pourrait devenir ce genre-là, parce que c'est campy, c'est le fun, et le message est exactement le même. C'est « Don't dream it, be it ». Et j'adore le message positif envers les filles. Je crois que c'est un film, je m'y connais pas assez sur la question, mais je crois que c'est un film en partie féministe, parce qu'on dit aux filles « Don't fear the unknown, use your gifts », on dit aux filles de se prendre en main. Puis Jem, elle a pas besoin des hommes, Jem, elle a pas besoin de Rio, elle a pas besoin de personne. Ben, elle a pas besoin des hommes, mais elle a besoin de se faire encourager par les hommes, dont Rio, mais une qui fois l'approche, qu'elle va être tentée... et elle a besoin de se faire encourager aussi par son père. Mais c'est le point de départ, une fois après ça qu'elle va être startée, je pense qu'elle va être... Je sais pas. Puis c'est vrai, ils ont transformé le personnage de Eric en Erika. Puis on a des femmes fortes. On a ce personnage-là que j'aime plus ou moins, mais qui est à la tête d'une grosse compagnie de disques. C'est un film de femmes. C'est un film de femmes fortes, je trouve. C'est très, très, très maladroit, comme Steven l'a dit. C'est pas très bien écrit. Il y a des gros problèmes. Mais moi, je trouve que c'est très divertissant. J'ai beaucoup aimé la musique. J'y allais de manière positive en voulant aimer le film, même si je me doutais que ça serait mauvais, toutes les critiques étaient mauvaises, et j'y allais, comme je l'ai parlé au début, pour voir la performance d'Aubrey Peoples dans un grand film, parce que je la voyais depuis 3 ans dans Nashville. J'ai beaucoup aimé sa performance, je trouvais qu'elle avait l'air très très très crédible, très vrai. Je trouve qu'elle chante toujours aussi bien. C'est ça, j'ai aimé revoir Molly Ringwald. Le robot m'a pas tant dérangé. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est l'aspect, c'est vraiment la compagnie de disques Evil qui fait plus de sens en 2015. Mais sinon, c'est pas le gros désastre cinématographique dont tout le monde parle. Je crois que non. On fesse dessus, on frappe dessus pour rien. Parce que ces gems et les hologrammes, si ça s'était appelé d'autres choses, c'était une propriété originale, un peu à la Hannah Montana ou quelque chose comme ça, ça serait correct, ça serait les Josie des Pussycats, ça serait quelque chose... Mais encore là, Josie et Pussycats, c'est une adaptation. En tout cas, si c'était quelque chose d'original, on frapperait moins dessus, c'est parce que c'est gems et les hologrammes, ça fait chier que ce soit pas plus gems et les hologrammes, puis que les Misfits arrivent dans les 5 dernières minutes, ce qui est très dommage et très maladroit. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai passé un très bon moment et je vais vouloir le revoir. Puis, c'est ça, en gros, mon opinion. Finalement, ils ont raté leur coup, mais ils ont quand même pas fait quelque chose de si terrible que ça, si t'appelles ça autre chose que j'aimais les puis hologrammes. S'il y avait plus de chansons, ça serait encore plus le fun. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Parce que les scènes musicales sont pas mal les plus intéressantes. Mm-hmm. C'est vraiment loin d'être le pire film que j'ai vu cette année, honnêtement. Le film a pareil des qualités, on en a tous dit chacun, parfois des qualités différentes des autres. Fait que, tu sais, je veux dire, pour moi, pire film de l'année, il faut vraiment que ce soit un film que j'ai détesté de A à Z, puis il n'y a pas vraiment de qualité. Là. Moi, j'avais l'impression que Aubrey Peoples, c'était la fille qui jouait dans Stage Fright. Mais c'est pas elle? Non, non. Non, mais là, je suis allé vérifier sur sa page IMDb juste pour vérifier si c'était bien elle. Finalement, c'est pas elle. Mais son prochain film, qui est en post-production, c'est A Conversation. Anne Frank meets God. Et elle joue le rôle d'Anne Frank. Oups! OK, elle fait des choix bizarres un peu. Ouais, c'est drôle, là. Fait que je pense qu'on a pas mal tout dit sur Jim. Moi, je passerai en musique avant d'aller à la conclusion de l'épisode. Ouais. Je mettrai la chanson Youngblood. Fait qu'on va écouter ça. Puis là-dessus, je vais dire le spectacle est terminé, Synergie. Who's got the heart of a hunter? Pounding like thunder. In the night, I like an Indian summer, beat of a drummer, coming alive. If you got Game Boy, you can pass though. We can go faster, we can go slow. We can get higher, we can get low. No, there ain't no rules tonight. If you got young blood, let's party. Get old. If you got Game Boy, you can pass go. We can go faster, we can go slow. We can get higher, we can get low. We can love like fools tonight. If you got young blood, let's party. Tour, c'était le bon, la musique, hein? C'était le fun, hein? Écœurant. Écœurant. Youngblood! Je me rappelle même plus des paroles, faudrait que j'arrive. Non, moi j'ai l'air du. J'ai l'air du. De l'agent de sécurité. Youngblood! J'ai l'air de ça chaque fois que je chante. Fait que, ben, Sylvain, on a parlé un peu d'Horreur Gamer. Septième démenti, ça va revenir bientôt, je crois. Septième démenti, mon Dieu, je travaille toujours dessus. C'est toujours dans mes projets. J'ai eu moins de temps récemment, mais là, je vais en avoir davantage. Donc, voilà, je suis toujours enfermé dans mon grenier avec les fleurs et je vais raconter la suite de ces aventures-là. Et l'année prochaine, ça va être. Davantage des films. Je vais parler davantage de christianisme et de la Bible. Donc plein de choses à raconter, plein de choses à voir. C'est sur YouTube, c'est le 7e démenti. Et horrorweb.com, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains épisodes du podcast sur la gauche? On vient d'enregistrer un épisode sur Goosebumps et la semaine prochaine, on enregistre un épisode sur l'autre film de Blumhouse qui est sorti cette semaine, le dernier Paranormal Activity. Et sinon, on continue d'écrire des critiques toujours et il y aura, à la fin de l'année, bientôt, il y aura nos top 10 des meilleurs films de l'année et tout ça. Là. Yeah! Yeah! Et Chantal et Caroline, rien de spécifique à plugger, non? Ben non, moi, je suis en exclusivité sur le bras de fer des films. Donc, si vous voulez me suivre ailleurs, ben, just too bad, il faut juste écouter le bras de fer des films. mais, je sais pas, peut-être que tu veux pas en parler, là, mais tu le couperas, Jean-François, au pire. D'accord. Mais t'as un livre, non? Ouais, ben, dans ma vraie vie, je suis historienne et je publie des articles et des livres. Et j'ai travaillé sur l'histoire de l'alimentation et de la nutrition. Donc, mon ouvrage a été publié au Prince Universitaire McGill Queens et s'intitule Nourrir la machine humaine. Mais il coûte un petit peu cher pour l'instant. Donc, vraiment. Faut attendre la version. Faut attendre la version couverture souple. Ouais. D'accord. Mais je suis pas sûr que le public, tu pourras faire des films. Moi, j'ai regardé. Pour vrai, je voulais l'acheter. Les moyens. Non, mais il est trop cher dans cette version-là. C'est pour les institutions, surtout, genre les bibliothèques, les universités, les trucs comme ça, tu sais, les professionnels. Pour le public, ça va être moins cher. Ça va être mieux d'attendre la prochaine version. Dans quelques mois, il va y avoir une version couverture souple, hein, un prix beaucoup plus abordable. Moi, je te dirais qu'on ne sait jamais. Le monde, ils ont des intérêts assez variés. Ça pourrait être. En tout cas, moi, j'ai une opinion biaisée, là, mais c'est très intéressant. On n'est sûrement pas les seuls qui s'intéressent à. Des choses à l'histoire très éclectiques. De l'alimentation. Ça nous touche tous. Ça touche tout le monde, de toute façon. On s'intéresse à plein de choses. Puis, ben, merci beaucoup à toi d'avoir été là. Puis, merci beaucoup à toi, Chantal, aussi, qui n'est pas ta première apparition non plus sur le podcast, comme Caroline. Puis, c'est tout le temps le fun de vous avoir toutes les deux. As-tu une plug, Chantal? Ben, merci beaucoup. Ben, c'est ma fête qui s'en vient bientôt. Oh, yeah! Fait que si jamais vous avez des cadeaux à m'envoyer, faites signe. Fait que c'est le 16 novembre. Donc, ben, j'ai déjà acheté ton cadeau, je t'ai précommandé le film sur iTunes. Ouais, hey, wow! Non, mais... Tu sais, il dit ça en joke, mais ce qu'il dit pas, c'est que pour vrai, c'est arrivé à quelques occasions que Steven, des fois, faisait des cadeaux douteux. Ah, ouais? Ben, des fois, ben, comme... Non, c'est vrai, c'était pas l'année passée, c'était l'année d'avant... que j'ai tout planifié mon cadeau de fête, puis j'ai dit c'est absolument ça que je veux pour ma fête, puis rien d'autre, puis sa mère a contribué, je voulais avoir une machine elliptique, sa mère a contribué, tout était seté, tout était planifié, puis il m'a acheté un chat. C'est cool un chat, moi je suis fière. Non, mais je vais juste dire que je serais pas surprise, y a rien qui me surprendrait, t'as tout le temps des idées... T'as beaucoup d'idées. Steven a beaucoup d'imagination. Ben, c'est ça. Tu vas avoir un gem, c'est tout. Mais je serais même pas surprise, c'est ça le pire. Ça serait ton genre de faire ça comme en joke. Tu sais, emballer un cadeau, mais comme mettre ça dessus. Puis là, je loue, je fais comme... Ah! Oh. Puis là, après ça, je joue en dessous, puis mon vrai cadeau, il est en dessous. Une autre copie de gem. La fiche de gem, la fiche. Ben, merci beaucoup, Chantal, puis c'est toujours un plaisir. Puis merci beaucoup aussi à Sylvain, je t'ai pas remercié. Merci beaucoup d'avoir été là, c'est toujours un plaisir de te recevoir aussi. Mais c'est un plaisir d'être ici. Puis, Steven, moi, je te remercie pas, t'es tout le temps là. Mais... merci pas, d'être mais aussi fidèle. T'es tout le temps en train de dire merci, Steven. Merci d'être toujours aussi fidèle. Sinon, ça serait plate en tabarouette. Mon premier épisode tout seul était vraiment plate, je le dis souvent, mais c'est vrai. Fait que ben, là-dessus, moi, je nous laisserai sur une chanson de mon choix, qui est la chanson qu'elle chante, que Jem chante, que Jerika chante sur YouTube, qui s'appelle Alone Together, si je ne me trompe pas de titre. Mm-hmm. Et le prochain épisode va sûrement être un time-out dans très peu de temps. Fait que là-dessus, bonsoir, à la prochaine. Gardez ça, Jem. Baby, I'm alone out here and nobody's listening. Maybe I'm the only one and my voice is echoing. But what if I'm wrong and there's a million others just like me? And no, we're not alone, alone. We can be alone together. No, we're not alone, alone. We can feel alone together. No, we're not alone, alone. No, we're not alone, alone. I can see the flashing lights. Oh, but can they see me? Everybody shines so bright, but I'm in the dark hiding. What if I'm wrong and there's a million others just like me?